vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. Marc-Olivier Dumas fera des culbutes par-dessus les actualités sportives dans Sport et Filoché. Et Justine Renaud explorera un sujet en profondeur dans sa chronique musico-scientifique Justine Pertine. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 3 octobre 2017 à 206 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plantin. Et moi, Tania Baudin. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. À Trois-Rivières. Exactement. Je voulais compléter ta phrase. Est-ce que tu sais où exactement? À Trois-Rivières. Mais où? À l'Université du Québec. Et voilà. C'est ça. Oh, wow. T'as si bien deviné, Mathieu. Hey, on change le monde c'est ensemble. Comme si on changeait de place ce matin. Donc, bonjour à toi. Bonjour. Oui, bonjour à notre auditoire. Tout à fait. Bon matin. T'as l'air d'aller vous chercher une petite tasse de café? Je pense que oui, c'est nécessaire, pas mal. Je pense que oui. Et les journées, les nuits sont courtes. Oui, en effet. Incroyable. Donc aujourd'hui, à l'émission, on va avoir Justine Renaud avec nous à 7h30 pour sa chronique musico-scientifique Justine Pertine. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle nous parle de science et elle fait jouer de la musique en lien avec son sujet. Mm-hmm. Ça, c'est à 7h30. Ensuite, à 8h, Marc-Olivier Dumas va être là pour les nouvelles sportives. Il va nous parler de patriotes, d'équipes de sport locales. Pas mal ça. Mm-hmm. Des fois de sport alternatif. En effet. Et on discute avec lui. T'as une chronique plus tard qui s'en vient, Tania, avec plein de sujets. Oui, tout à fait. Ce matin, je vais vous parler, je vais toucher du bois et espérer qu'une de mes bonnes amies ne m'écoute pas parce que c'est quelque chose qu'elle fait. Donc, j'ai peur de dire quelque chose qui va peut-être défaire tout ce qu'elle a étudié. Mais je vais vous parler de réflexologie ce matin. Oh, wow! Oui, et je vais aussi vous parler de médecine douce un petit peu. Vous allez voir, ça va venir plus tard dans l'émission, mais je vous garde ça en suspense. Oh, super! Hey, on va faire d'autres choses, bien sûr. Autour de ça, on a 3 heures ensemble jusqu'à 10 heures. On va commencer dans quelques instants avec son foutu palmarès, comme on aime le faire. Mais avant ça, on écoute une pièce du palmarès francophone. On va monter, on va galoper. Ah oui? On va... comment t'appelles ça? Grimper sur... Je sais pas. Un petit pony. Un petit pony! Oui, avec la pièce Phoenix tout de suite à Assemblage requis. Thank you. Petit Pouni. Petit Pouni. La pièce Phoenix à Assemblage requis. Ah, maintenant, c'est le moment de faire comme si je te listais des animaux avec des longs poils et une longue queue. Oui. Ça donnerait quoi? Il y aurait cheval, pony, chien, chat. C'est plate. Comme liste, finalement, on va faire l'autre chose. Raton laveur. Oui, voici son foutu palmarès. C'est la chronique qu'on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Hein? Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça pas mal. Parlons dans cette chronique de choses vraiment inutiles et improbables, mais que j'ai mis ensemble parce que ça fitait bien. Et on va commencer avec une liste sur les whoopee cushions. Les sacs à pète, exactement. Les blagues comme ça, les pranks. Est-ce que c'est ton genre de truc? Est-ce que tu faisais ça quand t'étais jeune? Oh boy. Je te dirais que ça m'est déjà arrivé de le faire. Oui, ah, pour vrai. Mais c'est pas une grande rigolote. C'est trop bébé pour toi? Non, je trouvais pas ça drôle. Bon. J'haïssais ça que le monde me le fasse. Mm-hmm. Je comprends. C'est surtout pour ça. Commençons avec un empereur romain qui aimait utiliser des sacs à pète version primitive. Oh, d'accord. Mm-hmm. Ça se passe dans l'ère commune, comme on dit en anglais. Des fois, on va dire après Jésus-Christ, des fois, mais... On dit ère commune pour ne pas avoir à mentionner l'aspect religieux de la chose. Alors, c'est un garçon de 14 ans, Marcus Aurelius Antonius, aussi connu sous le nom de El Gabalus, est devenu le plus jeune empereur romain. Et comme plusieurs adolescents, il avait bien sûr un petit côté le délinquant. Lors de petites soirées, El Gabalus passait des coussins d'air en dessous de ses amis pauvres, ce qui produisait des sons gênants. Mmh. Imagine à l'époque, hein? C'est plaisant. Dans l'ère commune. Ouais, c'est ça. Le coussin à pète moderne a été inventé au Canada. Ah ouais? Incroyable, hein? Plein de choses viennent du Canada. Bon, hein, on peut mentionner le beurre d'arachide. Justin Trudeau. Mélanie Jolie. Pas la taxe Netflix. Bref, plein de choses viennent du Canada. Les employés chez la compagnie de caoutchouc Gem Rubber à Toronto ont commencé à gosser avec des sacs avec de l'air dedans en 1930. Et à l'époque, il y avait une embouchure en bois pour gonfler le sac à pète. Ah, OK. Wow, hein? Au départ, le créateur des Joy Buzzers ne pensait pas que les Whoopee Cushions allaient se vendre. Donc, on parle ici des trucs de farce et attrape. Entre autres, Soren Sorensen Adams, qu'on peut remercier pour les Joy Buzzers. Ça, c'est les petits buzzers quand tu sers la main de quelqu'un. Hein? Mm-hmm. Bon. La poudre à éternuer. Hein? Le fameux gag qui a fait le succès de Juste pour rire les gags. Le serpent dans une canne. Ah oui, ben oui. Hein? Un classique. La bonne TV, ça. Hein? Donc, bref, quand les coussins à pète sont arrivés, il s'est établi comme un des plus grands farceurs là, et a fondé la S.S. Adams Novelty Company. Donc, il aimait cette idée-là. Donc, pour faire des gars, il fallait aller voir ce monsieur-là. Lorsque Jim a commencé à offrir, à vendre, en fait, à Adams, ça, c'est Sorensen Adams, le gars dont on parle dans ce fait-là. Mm-hmm. Et là, on parle de Jim, qui est le celle du fait précédent. Donc, lorsque Jim a commencé à vendre à Adams leur sac de pète, il a refusé, disant que c'était inapproprié. Oh, d'accord. Et de bas étage, la compagnie de caoutchouc a commencé à produire quand même le jouet sur une grande échelle, mais sans lui. Une fois que Adams a vu comment ça avait du succès, il a finalement dit bon, ok. Il a contacté Jem, il a commencé à s'en acheter pour ses magasins de farce et attrape. Évidemment. Il a changé d'idée. Ensuite, les premiers modèles s'appelaient Boop Boop Loops. Pardon, est-ce que tu pourrais répéter s'il te plaît? J'ai pas entendu. Je vais faire comme c'est qui déjà? Boop Boop Loops. C'est pas Marilyn Monroe qui faisait ça. Boop Boop Loops ou encore les Poopoo Cushions. Les Poopoo Cushions. Jem utilisait ces noms-là avant de finalement trouver Whoopee Cushions en 1932. Et en fait, Adams, Sorensen Adams, oui. Les appelait des Raspberry Cushions parce que faire une raspberry, faire une framboise, c'est quand tu fais ça sur le ventre d'un enfant. Là. OK, oui. Ça, là, ce bruit-là. Ça s'appelle des Raspberry, donc Raspberry Cushions. Ensuite... Des enfants à kilt ont déjà été imprimés sur ces Whoopee Cushions. Ah ouais? Ouais, ceux de la compagnie Jem en 1932 étaient décorés avec l'image d'un petit garçon écossais portant des bottes et avec une arme. Il y avait une arme. Ah, ok. Mmh. Le plus gros Whoopee Cushion coussin à pète fait plus de 19 pieds de diamètre. Oh, d'accord. Un groupe en Nouvelle-Zélande a le record Guinness mondial. Depuis, ça fait quelques années, on parle du mois de septembre, je crois que c'est 2016. Bref, c'est pas nécessairement le plus gros, mais le plus gros en tant que tel coussin, et un des plus gros en fait, est disponible en vidéo sur assemblagerequis.com si ça vous intéresse d'aller voir ça. Et c'était en septembre 2015, voilà que je me corrige. Ça a inspiré, en fait, tu te demandes peut-être, bon, mais le Whoopee Cushion, est-ce que ça a été nommé en l'honneur de Whoopi Goldberg? Ben oui, ou écoute, c'est ma question numéro un. Tout le monde me texte en ce moment, ça ne dérougit plus. J'en doute pas. Ça a inspiré, en fait, le nom de Whoopi Goldberg. Donc, c'est elle qui a été nommée en l'honneur du Whoopi Cushion. En fait, on raconte qu'elle, comment dire, elle faisait des pets, hein? OK. À l'arrière de ses productions théâtrales à San Diego. L'actrice Karen Elaine Johnson, les amis de Karen Elaine Johnson l'ont comparée à un coussin à pète parce qu'elle pétait tout le temps backstage à l'arrière-scène. Ah, mon Dieu! Amusée, la comédienne s'est donc renommée Whoopi avant de se rendre à Hollywood et elle a ajouté le nom de famille Goldberg. Donc, Whoopi Goldberg, c'est en fond, c'est Karen Elaine Johnson. Bien, là, tu m'apprends quelque chose. Quelque chose. Les fans... Des oui. coussins à pète, entre autres. Il y a des fans de ça. Il y a des fans, dont le très regretté Leslie Nielsen. Oh non! Oui, des films, là, c'est quoi, y a-t-il un pilote dans l'avion, oui. Puis Paul Squad, des trucs comme ça. Bref, il connaît apparemment bien, bien ça. La vedette de satire comme Airplane, y a-t-il un pilote dans l'avion, c'est exactement ça que j'ai dit en 1980. Aimait, comment dire, faire sortir les pets de coussins à pète pendant les entrevues et même devant les rois et reines. Oui. Même pendant qu'il golfait avec le prince Rainier, le troisième du nom, à Monaco, Nielsen a commencé finalement à faire de la petite poésie. Il disait, ah, il fait si beau ici, le vert du terrain, les montagnes, blablabla. Et après, il a fait partir un pet. Ben oui, évidemment. Du grand humour. Votre voix est un peu comme un coussin à pet, nous dit-on. Selon le professeur en ingénierie acoustique Trevor Cox... De l'université Salford. Ouais. Oui. Le Whoopee Cushion a beaucoup de choses en commun avec la voix humaine. On dit que ce qui se passe, c'est que les morceaux de caoutchouc vont ouvrir et fermer, ce qui va laisser sortir un petit peu d'air. C'est pas mal comme les cordes vocales, comme toi en ce moment. Oui, c'est ça, je viens de le dire. Si vous comparez votre coussin à pète versus ma voix ce matin, c'est semblable. La voix de Tania est un coussin à pète oral. Et voilà. Et pour terminer sur les Whoopee Cushions, un sondage nous dit que les meilleurs coussins à pète font de longs sons plaignards. Plaignards. Comme des petits sons aigus. Ouais. Font... Ah, OK. Des petits trucs comme ça. Donc en 2009, Cox, le sus mentionné Cox. Ouais, Cox, Sus-mentionné. Bref, Cox a aidé à orchestrer un gros sondage pour déterminer quel faux pet recevait les plus grands rires via le site web soundsfunny.com. 34 000 personnes ont voté pour leur clip préféré. En fait, c'est des fichiers audio. Et basé sur leurs préférences, son équipe a observé que les pets les plus longs avaient de meilleures cotes et okay. Le meilleur choix des participants durait 7 secondes ah, ouais. De pet. Et les sons plaignards, donc plus aigus, des trompettes, si on veut, de fesses, étaient assez populaires. Et surtout, les Européens, en fait, trouvaient que les sons de Whoopi Cushion étaient en général plus drôles que les Américains. L'humour britannique, ça change quelque chose. Évidemment. Le site soundsfunny.com n'existe plus. Ah, d'accord. C'est rendu un site à acheter. Dommage, j'aurais aimé ça entendre le pet. Ben oui, hein. On continue dans la même lignée un peu, coussin à pète. Bon, c'est bas de gamme tout ça, mais quand t'as envie de faire quelque chose avec tes mains, mm-hmm. ou que t'as envie d'entendre des sons, c'est rarement un coussin à pète que tu vas aller chercher. Premièrement, ça rentre pas dans ta poche. Oh, elle se retient pour dire des choses. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont voulu sortir de ma bouche en même temps. Je fais exprès. Je sais, c'était vraiment propice en plus à ce que je puisse dire beaucoup de choses. Ouais, j'aurais beaucoup aimé que trop de tu choses. Tu te retiens trop, là. Ouais, c'est mais les jeux bon. De la com qui vont te corrompre. Oui, c'est ça, exactement. Tu vas être trop professionnel pour Assemblage Requis. The War! Oh boy. Comment je vais le dire dans ce rythme? C'est ça. Alors, en fait, on va transitionner vers les bulles. D'accord, oui. Les emballages à bulles, exactement. Ça, c'est-tu pas le fun? Hein? Quelle thématique? Péter des affaires. J'adore ça. Ça a commencé, en fait, comme papier peint et c'est devenu une obsession culturelle. Donc, quelques faits sur l'histoire de ce produit. Commençons par, en effet, le fait que c'était à l'époque du papier peint, de la tapisserie. En 1957, on a essayé de créer un papier peint avec texture. Oh. Et c'est l'ingénieur Alfred W. Fielding et l'inventeur suisse Mark Schwanis qui ont donc scellé deux rideaux de douche ensemble pour que les bulles d'air soient capturées entre les deux, donnant donc au papier peint son apparence texturée. Donc les clients, par contre, n'aimaient pas vraiment ça comme papier peint. Donc Fielding et Schwanis ont changé d'idée. Ils ont commencé à fournir ça pour isoler des serres. Ça aussi, ça a été un échec, en fait. Donc, point, point, point. La troisième fois, c'est toujours la meilleure. Un membre de l'équipe de marketing de l'inventeur a vu ça comme... une bonne idée pour mettre dans des boîtes pour transporter des trucs. OK. Éventuellement, c'est Frederick W. Bowers, membre de l'équipe de marketing de Fielding et Schwanis, ont réalisé que le potentiel du produit était peut-être pour emballer des affaires. Donc, l'idée a été amenée, entre autres, par l'introduction de l'ordinateur 1401 de IBM. Bowers a réalisé qu'il fallait absolument le mettre en sécurité dans la boîte pendant l'envoi. Donc, en 1960, Fielding et Schwanis ont fondé The Seal Air Corporation avec son nouveau produit nommé le Bubble Wrap comme produit signature. Et on s'entend pour dire que ça, c'est un méchant succès. En effet. Le produit était éco-équitable et autres avant que ce soit vraiment à la mode d'être éco quelque chose. Selon Sealed Air Corporation, selon leur site web en fait, ça dit que depuis le début, Bubble Wrap est révolutionnaire en tant que produit et aussi en tant que valeur. Donc ça vaut la peine de l'acheter, ça coûte pas cher. Mm-hmm. Ça réduit les coûts d'emballage en utilisant moins de matériaux. Ça réduit la grosseur, la dimension de la boîte et ça réduit les pertes dues aux dommages. Ah, OK. Ouais, donc en d'autres mots, c'était éco-responsable avant que ce soit à la mode. D'ici sur leur site web. En 2014, Sealed Air a eu un revenu de 7,8 milliards de dollars et le Bubble Wrap est toujours son produit le plus connu. Écoute juste un petit peu, hein? Non, tu sais, Bubble Wrap. Il y a seulement un seul Bubble Wrap. Des fois, on l'utilise comme terme générique. Tu l'as fait tantôt. Oh, oui. Le Bubble Wrap, ben, c'est une marque de commerce. Oh là là, c'est comme Fridge. C'est comme Frigidaire. Frigidaire. Et ça, ben, c'est pour la version de Sealed Air Corporation seulement. Le reste, je sais pas si on dit enveloppe à bulles, mais en anglais, bubble wrap. Je sais pas, c'est bizarre. Wrap made of bubbles, je sais pas. Ça serait du papier, je sais vraiment pas. Packing paper, bubbly papier packing d'emballage. Paper. Alternatif. Papier d'emballage. Attention, on cherche sur Wikipédia, ils vont sûrement nous dire. Wrap, wiki. On veut avoir la vraie expression. Mais c'est pas du papier d'emballage à bulles? Papier bulle industriel. Pliable transparent plastic material used for packing fragile items. Ça dit juste bubble wrap mais avec des minuscules comme un nom commun. Alors que le mot bubble wrap avec des majuscules, ce serait sûrement ça le copyright. Ouais. Sinon, on dit comme terme générique bubble pack, bubble paper, air bubble packing, bubble wrapping ou aéroplast. Tu vois ici, j'ai du côté francophone papier bulle, emballage à bulle, emballage bulle. Et papier bulle industriel. On était dans le bon coin, je pense. Ouais, on était pas si loin. Un point chaque. C'est très bonne idée. Sur combien, je sais pas. Ben bon. C'est ça, c'est la question. Ensuite, les scouts à Denver. Les petits scouts ont eu un record Guinness avec le Bubble Wrap en 2015. Ça s'est passé le 19 septembre 2015. Un groupe de 2681 Boy Scouts de Denver, ou dans le coin de Denver, ont eu le record Guinness pour le plus de gens qui popaient du Bubble Wrap en même temps. Oui. Alors, j'aurais dû participer. Mais, hein? Alors, Campori, c'est comme un jeu de mots avec Jamboree et Camp. Donc, leur Campori à Elber, dans le Colorado. En 2015, le Bubble Wrap a perdu son pop. Qu'est-ce que ça veut dire? En 2015, la déception, oui, des fans qui aiment beaucoup le papier bulle et péter les bulles, Sealed Air a annoncé qu'il revampait la formule. Peut-être as-tu vu ça depuis les dernières années. T'es-tu en train de me dire que ça faisait plus? Le Bubble Wrap version plate. Ah ben, qui, en effet, Moses. Ne fait plus de bulles. Ça s'appelle le High Bubble Wrap, une version donc plate du classique. On dit qu'un camion complet de High Bubble Wrap a autant d'emballage, de matériaux d'emballage que 47 camions remplis de Bubble Wrap. Hein? Donc, ça sauve de la place. Mais oui, mais on s'en fout. Je sais, mais là... On veut que ça fasse... L'environnement, Tania. Oui, OK. Pour ça, je vais te l'accorder. Au pire, on va télécharger une application iPhone. Non, mais pour vrai, c'est pas... Tu sais que ça existe, hein? Oui, mais c'est pas aussi satisfaisant. Non, c'est vraiment pas satisfaisant. Est-ce que tu sais qu'il y a un porte-clés que tu peux avoir, que c'est un bubble wrap, mais juste une bulle, et en permanence, Pop. Ben, tu pop, ben, c'est comme en plastique, là. Elle pop, elle revient. Hein? Elle pop, elle revient. Où ça? Sur Internet, voyons. Mon Dieu, je veux ça pour Noël. Pour vrai, le bubble wrap keychain. C'est sûr la que fille, elle m'en ça. Demande pas gros. Achetez-moi un bubble wrap en ben, keychain. Pour le bas de Noël. C'est ça. Hein? Ça serait merveilleux. Mais bon, maintenant que j'ai dit ça, que le bubble wrap ben, était rendu sans air, ça veut pas dire que l'autre s'en va. Là. Hein? Mais non, mais non. Ah, c'était assez pour faire peur à Internet, mais le porte-parole de Sealed Air, Ken Riccio, a rassuré les fans via BuzzFeed News que le bubble wrap régulier ne s'en ira pas. C'est juste que les deux vont exister en même temps. Ah. Oh. Une chance. D'accord. Ben oui. On l'accepte dans la bande de bord. C'est correct comme ça. Et étant donné qu'on est dans une liste spéciale, en fait une liste de listes sur des produits de la vie de tous les jours dont on sert et qu'on aime bien quand même, on a parlé des Whoopie Cushions et on a parlé des Bubble Wrap. Maintenant, parlons de Q-Tips. Ah ben oui. Ben oui. Mon produit favori de tous les temps. Je te le dis à chaque fois, t'es pas supposé de mettre ça dans l'oreille. Hein? Je sais. T'es rebelle, mais... c'est écrit sur la boîte. Oui, il y a des choses auxquelles on peut pas... arrêter de faire, mettons, tu sais. Exactement, on peut pas résister. Puis un Q-tips dans mon oreille, c'est la résistance numéro un à tout. Ouais, c'est satisfaisant, j'avoue. Tellement satisfaisant. Ils en font en plastique avec un frein pour pas que t'ailles trop loin. Hein. Ah non, mais c'est pas le fun, là. C'est pas pareil. Hey, c'est pas du c'est coton. C'est du coton, là, c'est ça, exact. C'est doux. Bref, c'est indispensable, comme le papier de toilette et autre chose dans la salle de bain. Ça existe depuis 1923 et on va faire une petite liste de faits sur les juste Q-tips. Juste depuis ce temps-là? Oui. Ah ben. À l'origine, savais-tu que ça s'appelait des baby gaze? Non, je ne savais pas. L'inventeur polonais Leo Gerstenzing s'est fait frapper donc, par l'idée de produire des cotons-tiges quand il a vu sa femme mettre des boules de coton sur les deux côtés d'un cure-dent. Hein? Imagine si tu penses qu'un coton-tige te fait mal dans l'oreille, il peut un te faire mal. Un cure-dent, là? Aucun cure-dent, c'est pas la même chose. C'est ça, hein? Bref, elle utilisait ça pour nettoyer les oreilles de ses enfants. Ah! Ouais. Et il a décidé de vendre ça littéralement des cure-dents avec des boules de coton au bout et les a appelés les Baby Gaze de 1923 à 1926. Le nom a été changé ensuite pour les Q-Tip Baby Gaze et éventuellement seulement Q-Tips. Le Q en passant. De Q-Tips, et là, on s'entend. Et c'est ce qu'on dit souvent dans le domaine. Le Q veut dire qualité. Dans le journal, tu vois pas ça des fois. Le Q veut dire qualité. Je te dirais que c'est très très rare que j'entends ça. À l'époque, c'était trempé dans de l'acide borique. OK. Donc, voulant promouvoir l'idée que le Q-tip était donc un instrument d'hygiène personnelle, Gerstenzing a demandé à ses travailleurs en usine de tremper ça dans de l'acide avant de les envoyer. Ce produit chimique-là était antiviral et était utilisé pour stériliser le tout. Donc, boric acid en français. C'est évidemment de l'acide borique. C'est pas besoin de chercher. Hein, non, c'est ça. Ensuite, ça a mené à des petites crises au gouvernement. En 1939, on a dit qu'un échantillon d'envoi de Q-tip contenait des traces donc, d'acide borique. Les cotons-tiges eux-mêmes étaient contaminés de micro-organismes. Ils ont déclaré donc, que les Q-tips étaient marqués comme étant stériles alors que c'était pas vrai. Et le gouvernement a saisi plus de 200 emballages du produit et ça a été détruit. Ah, ouais, c'est bizarre. Hein? Il y a eu une ligne complète, non seulement des Q-tips, là, il y a eu d'autres produits avec des Q-tus. Des Q-tus? Des petits Q-tus? Et le Q veut toujours dire qualité. Gerstenzing, à l'origine, offrait toute une ligne de produits pour les enfants avec le préfixe Q. Donc, il y avait du Q-talk. Partout. Donc, de la poudre pour bébé pour les fesses. Oh, OK. Q-talk. Les savons Q-soaps, l'huile Q-oil, la crème Q-cream... Et ça venait tout ça dans un kit nommé le Q-Things. Oh boy! Les affaires de cul. C'est ça. C'est au tonneau cadavre. C'était la boîte de cul. ils sont restés c'est en terrible. Bois. C'est terrible, on s'excuse à tous les gens qui nous écoutent. Ah, il est 7h27 pour tout le monde. C'est pas facile. Ils sont restés en bois pendant des décennies, en fait, les Q-Tips. Ils étaient faits en utilisant du bois jusqu'en 1958, alors que la compagnie a acheté Paper Sticks Limited en Angleterre. Et eux, ils faisaient des bâtonnets de papier pour des compagnies de bricolage, des trucs comme ça. Mais il en existe encore en bois, là. Ah! Ça se trouve. Pour vrai? Ah oui, tout à fait. Je ne savais pas. Mais avec le bout en coton, évidemment, oui. Là, pas juste un bout en bois. En papier sablé, là, pour vraiment récurer comme faut. Tania, je te l'ai dit tout à l'heure et je te le répète, le fait est dans l'article de mainsurflosse.com, on n'est pas supposé mettre un coton-tige dans son oreille. N'importe quoi. C'est comme, t'es pas censé mettre une broche en métal dans une prise de courant. Il y en a qui font pareil. Les enfants, sachez-le, si Tania le fait, vous pouvez le faire. La compagnie, à l'origine, donc, disait qu'un Q-tip, c'était utile pour enlever la cire d'oreille, mais la communauté médicale n'était pas d'accord. En parlant à la National Public Radio en 2008, Dennis Fitzgerald, spécialiste des oreilles, a dit donc que le coton-tige, ou en fait les tiges de n'importe quel type, allait pousser la cire d'oreille plus loin dans le canal auditif, ce qui allait causer des abrasions de la peau du canal, et ça peut mener à une infection, et même des fois, ça pourrait faire que tu vas te poignarder l'intérieur de l'oreille. Quoi? Et tu pourrais te défoncer le tympan. Hein non, là, mes tympans sont corrects, je suis juste sourde. Mais mettons, c'est rassurant, oui, mettons que quelqu'un arrive dans ta salle de bain, oui, okay, et te frappe le coude pendant que t'es en train de te décrotter les oreilles. Ouais. Tu vas te défoncer le tympan, pour elle. Non, mais j'y saute dessus, j'y arrache la tête. Ouais, mais t'as déjà ton oreille percée. Oui, OK. En tout cas. Mais c'est pas grave. elle veut tellement... Tu pourras pas m'arrêter de rentrer un Q-tips dans mes oreilles. Ton orgasme auditif. Là. C'est honnêtement, là, c'est ça. C'est une très bonne sensation. C'est malade comme sensation. Tu sais, quand tu sors de la douche, là, pis t'as de l'eau, pis t'as beau te swinguer à la patte, ça sort pas. Swinguer à la patte. Y'a rien oh, wow. comme un Q-tips. Cheese Bro Ponds, oui, a acheté Q-tips en 1962. Ils ont ajouté un avertissement, oui, disant qu'on ne devait pas utiliser ça dans les oreilles à partir de 1970. C'est bon pour nettoyer des lavabos, nous dit-on. Une lever, qui est la compagnie derrière Q-tips, suggère qu'on peut nettoyer des trucs dans le renvoi d'eau. Oui, et aussi c'est vrai. Le truc où d'où l'eau sort, le robinet. Utilisant ça. Le reste, je vais vous laisser aller lire dans l'article. Il en reste quelques-uns, comme la moitié, ça commence à être long. Là. Les problèmes qu'ils ont eu avec Johnson & Johnson, le fait qu'on peut utiliser un coton-tige pour déprendre un zipper, que les policiers utilisent le mot Q-tip, que ça pourrait vous aider à recharger votre téléphone cellulaire. Et en fait, maintenant que j'y pense, sont assez intéressants pour qu'on les garde pour plus tard. Mm-hmm. On continuera là-dessus plus tard. On se garde ça. Pour l'instant, on prend une pause et Justine Renaud va être là pour sa chronique. Ouh là là! Justine Pertine. Justine, un petit avant-goût de ce qui s'en vient dans ta chronique après la pause? Y'a-tu de la bière, Zit? Y'a-tu de la bière, Zit? C'est y'a pas bière, Zit? Wow, quel avant-goût! Moi, je croyais que ça allait être la version du lait, mais non. C'est celle de la bière. C'est l'original. Je suis bouche bée. Moi aussi. J'ai envie de mettre des Q-tips dans les oreilles pour pas avoir entendu ça. On prend une pause et on vient rester là. Aujourd'hui. FM. Assemblage Ricky pour toi aujourd'hui. Vous êtes à Assemblage Ricky avec Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Mais il y a aussi Justine Renaud en studio avec nous qui s'en vient dans quelques instants. Ah ben, je suis déjà là. On peut te parler, ouais. Je chante pas. Tu chantes pas? Non, je chante plus. C'est ah, fini? Pourquoi? Ouais, on a fait des plaintes déjà. Oui, c'est ça. De moi, en nombre. Dans quelques instants, donc Justine Pertine, mais avant ça, on écoute Always avec 2 V et la pièce In Under Two. Ah, son lingerie. Ça part là. Fais se mettre dedans. Ça. C'est ça. Yeah.

goodbye. C'était la bière sur les gamines. C'est... c'est louche un peu. C'est louche. C'est de donzelles et numéros. Non, mais guys, la bière sur les gamines. Non, mais tu sais, ça se fait pas. Non. Non, mais juste avant ça, on a entendu « Two beer » de Kisum. Parce que tout le monde sait que la bière, puis hein, le R&B japonais, K-pop, ouais, slash « Tia, t'es pas chier, quand même. » Mais il s'assume. C'est « Mais il s'assume. » Il s'assume. Et la bière, elle assume aussi. Assume. Ah, aussi, oui, en effet. Un, c'était assez. Deux, c'est sa chance. Ah, ouais. Oh, une bière de trop, mon minou. écoute, c'est ça, on parlait de bière aujourd'hui. Oui. Je me suis noyée dans ma bière tellement que l'univers est vaste. Mm-hmm. Et je vais vous revenir dans 2 semaines. Oui, pour on met le petit capuchon sur la bouteille, il va rester le fond. Là, exactement. Fait qu'on a parlé là, de toutes les étapes jusqu'à la fermentation, les petits côtés scientifiques derrière tout ça. Pourquoi qu'on fait ci, pourquoi qu'on fait ça? C'est quoi une enzyme? C'est un outil cellulaire. Et puis, je vais vous revenir avec vraiment tout ce qui a trait à la couleur, au goût, au développement de tout ça. Puis, un petit peu aussi peut-être de conservation. Puis, qu'est-ce qui se passe après la fermentation, là. Ça va être délicieux. Il n'y aura pas de bave dans le fond de cette bière-là du tout. Des fois, c'est ça s'accumule au fond. Ouais, non, c'est ça. Il faut les boire toutes one shot. Ouais. C'est ça, en une gorgée. Cul sec, t'allais dire. Ouais, non. Exactement. Tellement pas. Parce que tantôt, t'as parlé de humidifier les grains, je sais pas trop quoi. Humidifier les grains. Et c'est ça. Ouais, merci Justine. Ça m'a tellement fait plaisir. Blablabla. Je suis tellement à jeun, je sais que ça a pas paru beaucoup, là, mais je vous promets, je suis à jeun ce matin. Ben, tôt le matin, pour nous, c'est comme en fin de soirée pour quelqu'un qui a bu, ça. Ouais, c'est vrai. Ah oui. Écoute. Bon, hey, va-t'en changer ton auto de place. Parce que là, toi, les... Oui, si vous écoutez, cher monsieur, madame, qui mettait l'étiquette dans le stationnement du QTR, sachez que je suis dans le parking 15 minutes et que bientôt, bon je vais récupérer ma voiture. Fait qu'allez pas me donner un ticket à la Prius C en face du Pierre Boucher. Merci. Hey, voyons, donc. Non, mais on sait que... dit exactement. Ouais. Genre, c'est ça, vas-y pas. Ouais, ils sont trop occupés. Cible. Ils écoutent, c'est fou, sur leur cellulaire. Ils écoutent ta chronique, je suis sûr. Ben, c'est vrai, en balado-diffusion. Ils se balado-diffusionnent, eux autres, je regarde. Ils ont l'air bien, bien baladés. Merci, Justine Roy. Hey, plaisir. On te retrouve dans 2 semaines pour une autre chronique sur la bière. Awesome. C'est dans Justine Bertin. Mm-hmm, délicieux. On prend une pause pendant qu'elle court. Et on s'en va. Elle court. On l'entend. Oh boy. Notre plancher est bruyant. Elle courait vraiment longtemps. Ouais, vraiment. Et sur place aussi. Et sur place aussi. Au retour, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste toi qui s'en vient. Oui. Tania, tantôt. Et puis, on a les exercices d'assemblage qui s'en viennent. Tout et à un fait. Paquet d'autres trucs. Donc, restez avec nous. Assemblage pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage pour toi aujourd'hui. Deuxième heure d'Assemblage Requis en ce mardi 3 octobre 2017, les Tania Baudin. Et Mathieu Plante. On est seuls ensemble pour le reste de l'émission, Tania, parce que je t'annonce à l'instant que Marc-Olivier Dumas ne sera pas avec nous pour Sport et Filoché ce matin, même si on l'a mentionné dans l'intro, qui ferait des culbutes par-dessus les actualités. Ben je pense ouais. qu'il fait des culbutes ailleurs, un petit peu dans sa vie, là, en ce moment. On sait pas ce qu'il fait, on n'a aucune idée. Ah. Mais on sait qu'il ne viendra pas, il nous a avertis. C'est des choses qui arrivent. On se reprendra la semaine prochaine. Mais pour compenser, j'entends dire que tu as 2 chroniques aujourd'hui. Oui, exactement. Dont la deuxième que tu n'as pas encore mentionnée. Non. Tu vas nous parler un petit peu d'Instagram et de Facebook. Oui, vous allez voir. J'ai hâte de voir ça d'ici la fin de l'émission. Moi, je vais faire les instructions d'assemblage tout à l'heure avec des conseils de vie. Donc, une émission quand même assez chargée, mais avant ça, on a le temps pour une petite chanson. Une pièce qu'on a bien aimée depuis les dernières semaines et qu'on s'est dit on devrait la jouer plus souvent. Tout à fait. C'est par Gogol Bordello. On parle de Saboteur Blues. Tout de suite, Assemblage Requis. Sur C'est fou. 89 FM. Comme on a l'air sans peur. tour blues. Sabatour Blues. Sabatour Blues par Gogol Bordello. C'est bon. C'est tellement différent comme musique qu'on dirait que tu sais pas trop c'est quel genre de musique. Ça. Non, absolument, t'as bien raison. Pas mal bon. Plus tôt dans l'émission, si vous étiez avec nous, on est en train d'établir une liste sur les Q-tips. Mm-hmm. Hein, et on va y retourner sans l'intro de 45 secondes de son foutu palmarès. Donc faisons comme si on était juste comme tantôt en train de continuer. Jusqu'à maintenant, on avait parlé dans cette chronique sur les Q-tips, on avait parlé du fait que ça s'appelait des baby gays au départ. On a parlé que c'était trempé dans de l'acide borique au départ, oui. Que le gouvernement aimait pas ça, qu'il y avait une ligne complète de produits avec des culs dedans. Qu'ils étaient en bois pendant des décennies, qu'on n'était pas supposé de les mettre dans nos oreilles, que c'était bon pour nettoyer des lavabos. On était rendu à notre huitième fait sur les Q-tips. En 1958, Q-tips a poursuivi Johnson & Johnson pour infraction de marque de commerce, disant oui que les Johnson's Cotton Tips étaient dérivatifs de leur propre petit bâtonnet pour les oreilles et autres. Donc, ils ont accordé la victoire à Q-tips en tant que tel. La cour a dit que l'utilisation du mot tips par Johnson & Johnson et non pas swabs ou un autre terme comme ça était fait pour être le plus près possible de Q-tips et donc de profiter de la popularité de la compagnie. La compagnie qui a donc, c'est ça qui a changé le nom en fait pour des. Non, en fait, ça ne dit pas pour quel nom ils ont changé ça. Johnson & Johnson, maintenant, je pense que c'est Swabs. Ça se peut en cotton swabs. Ouais. Exactement. Swabs en tant que tel, je ne sais même pas comment je traduirais ce mot-là. Mais, moi non plus. Un genre de bâtonnet. Là. Ensuite, on peut réussir à défaire un zip qui est pris avec des Q-tips comme ça, selon Cosmopolitan. Un Q-tip trempé dans du shampoing et frotté sur l'endroit où le zip est pris, sur un manteau, des jeans, peu importe, ça peut défaire le tout et aider à résoudre votre crise du moment. Ah, je savais pas. Ensuite, les policiers utilisent le nom Q-tip, mais pour complètement autre chose. Lorsque les policiers arrivent sur la scène d'un crime et que l'émotion et l'adrénaline menacent de prendre toute la place, les dispatchers, qu'on appelle le service de répartition, mm-hmm. Et d'autres officiers vont utiliser le code Q-tip. C'est un acronyme pour Quit Taking It Personally. Arrête de prendre ça personnel. C'est fait pour leur rappeler qu'ils doivent maintenir le contrôle pendant une situation. On dit Q-tip, man. Q-tip. C'est bien. Avoue que t'as envie de commencer à utiliser ça dans la vie. Ouais, c'est ça, exactement. Q-tip, man. Q-tip. David Ferron, là. Wow, Q-tip. ça pourrait aider ton téléphone cellulaire à se charger. OK. Ouais, la liste officielle de Q-tip d'utilisation recommandée. Donc, entre autres, là-dedans, il y a de nettoyer les contacts de ta batterie de cellulaire et les contacts de ton chargeur pour avoir une connexion sans poussière entre les deux appareils, ce qui va faire que ça va mieux charger. C'est intéressant. Les bébés peuvent les utiliser comme pinceaux. Les petites mains, enfants, ben ça peut être difficile de prendre un gros pinceau. Donc, Q-Tip, la compagnie, recommande d'utiliser ces bâtonnets-là là, pour les bricolages et tout ce qu'il y a d'artistique lorsqu'un pinceau est trop grand. Les Japonais préfèrent leur coton-tige noir. Oui. Ouais, donc on parle pas strictement de Q-tips, on parle vraiment de bâtonnets comme ça avec du coton. Au Japon, souvent, on les trouve noirs. Pourquoi noirs? Eh bien, selon un blog de voyage japonais, la couleur fait que c'est plus facile de voir quel type de cire et autres trucs tu as sorti de tes différents orifices. Ouais. Ouais. C'est dégueulasse. On parlait de nos mousses de micro à ronde avec Justine tantôt. Oui. La tienne est blanche en ce moment et c'est pas la chose la plus belle à voir, une mousse de micro blanche, parce qu'après quelques semaines d'utilisation, ça devient tout taché. C'est comme des souliers. Pourquoi est-ce que t'achèterais des souliers plats? Pour le look. De les laver à tous les jours aussi, peut-être. Mais ça dépend où tu marches, là. C'est ça, effectivement. Ça peut aider à détecter s'il y a du nickel dans des bijoux. Ah ouais, je sais pas. Il y a des gens qui ont une réaction allergique au nickel dans les bijoux. Ça cause des rougeurs et de l'irritation. Non, pour quand Tania lève la main. Oui. Tellement c'est intense pour vrai. Oui, oui, tout à fait. Wow. Donc, pour voir si ton bracelet est parmi les bijoux qui ont du nickel, là, vous pouvez frotter un Q-tip qui contient de l'ammoniac et du diméthylgliauxime. C'est quelque chose qui détecte donc le nickel sur la surface. Si ça devient rose, c'est que t'as rempli ton bijou de ça. Ton bijou est rempli de ça. Mm-hmm. Et finalement, homme versus Q-tip. Le combat à la mort ne s'est pas très bien terminé. Mais voyons, non. Lorsque Buddy Stanley est entré dans l'hôpital Barnes Jewish Hospital à St. Louis le 25 décembre 2007, un Q-tip jeté par terre a été mortel. Stanley dit qu'il s'est enfargé sur le coton-tige. Il est tombé, s'est blessé à l'épaule. Et les trucs lombaires dans le dos. Selon le Madison Record, il a poursuivi Barnes, ça c'est l'hôpital Barnes Jewish Hospital, pour $50,000 pour ne pas l'avoir averti du danger devant lui. Le cas a été refusé en 2013. Mais là, franchement... Je te jure, homme contre Q-tip, tu pensais pas vivre ça, là? Non, ça ressemble à un épisode de Fort Boyard. Exactement. Les vieux épisodes avec le gros Q-tip. CSI. CSI Q-tips. Hey. Le nombre de cas que tu pourrais faire avec exactement. Ça, c'est incroyable. Voilà, donc ça, c'était notre suite sur les Q-tips. Tant qu'à être dans le domaine et d'avoir du temps devant nous aujourd'hui, continuons avec une autre liste de choses inutiles. On a parlé jusqu'à maintenant d'emballage bulle, on a parlé de whoopee cushion, on a parlé de Q-tips, et maintenant, on va parler de tout le reste avec des clubs du mois que tu peux, auxquels tu peux t'abonner. Oh, d'accord. Pendant l'année, tu as envie de recevoir plus de cossins, tu pourrais peut-être avoir le Q-tip du mois, je sais pas. Donc, Mathieu s'intéresse tout le temps à des articles qui commencent par une photo de bouffe. C'est drôle, hein, comme hasard, mais oui, il y a des pizzas. Et je sais pas, toi, si tu regardes ces pizzas-là, est-ce que tu as comme une illusion d'optique? J'ai l'impression que les pizzas bougent tellement il y en a. Pis ça. C'est vrai, hein? C'est fou. Allez voir ça sur assemblagerequis.com. Ça fait comme déjà 3 heures que j'ai mangé. Là. J'ai faim. Ouais, j'ai pas mangé. Non, c'est vrai, j'ai mangé une barre tente. Bref, si vous avez des cadeaux à offrir, vous aimeriez vous gâter à l'année longue vous-même ou un ami ou peu importe, les clubs du mois. C'est toujours une très bonne idée. C'est vrai. On aime ça et souvent, ben, tu vas le recevoir à la porte, même pas besoin de l'emballer, rien. T'as bien raison, c'est déjà emballé. Comme cadeau, c'est le fun. Donc, commençons avec les jerky. Ah, oh, le fameux bœuf jerky. Le bœuf jerky. Donc, ça peut être n'importe quelle sorte, le Jack Links, ça peut être des Slim Jims, il y a plein de sortes comme ça. Pendant 3 mois, la personne que vous choisissez va pouvoir goûter à des jerky de maisons indépendantes, des jerky indépendants de partout au pays. Le premier envoi du mois, oui, arrive dans une grosse boîte Club Jerky. C'est rempli d'une demi-livre de jerky de haute qualité. Et ensuite, les deux emballages suivants vont être dans un truc de bulle, donc bubble wrap. Et peu importe l'emballage, chaque sélection contient donc du jerky américain sans aucune marque connue. On peut se procurer ça sur Amazon. Évidemment, si vous n'arrivez pas à trouver la version canadienne de la livraison, vous pouvez toujours vous servir de Cross Border Links ou autre site qui va le livrer aux États-Unis et ensuite des États-Unis à chez vous. Ça fonctionne toujours. Donc, quand il y a quelque chose dans ces genres de chroniques-là là, aux États-Unis, ne vous en faites pas avec ça. Ensuite, sauf peut-être pour la bouffe. Ah? Maintenant que j'y pense, les douanes, je sais pas pour la bouffe. Ouais, non, je suis pas certaine. Peut-être hein? pas. Bref, il y a un club bacon du mois. Mm-hmm. Bacon Freak pense que tout le monde devrait manger plus de bacon. C'est pour ça qu'ils offrent donc un club qui envoie du bacon chaque mois pendant 3 mois. Chaque emballage vient avec 2 saveurs, dont jalapeño, miel barbecue et vanille et bourbon. Vanille et bourbon. Intéressant, ça. D'accord. Ensuite, le club du mois sur les chandails. Ah! Oui, donc c'est simple comme ça. Avec leur t-shirt du mois, les membres paient un frais de 50$ américains pour recevoir un t-shirt par mois pendant 3 mois. La compagnie offre aussi un emballage de 6 ou de 12 mois si c'est pas assez pour vous. Ensuite, du fudge. Mmh. Ah, qui n'aime pas le fudge? On peut se rendre à Lancaster, en Pennsylvanie, pour aller en chercher chez les Amish. Mais sinon, vous pouvez vous faire livrer ça pendant un an. Donc, la personne choisie va recevoir des saveurs comme pacane et chocolat, Miam. Chocolat et amaretto, crème irlandaise, turtle au chocolat. Ah, OK. Et plus encore, non, mais turtle. On mais s'entend. Oui, des turtles. Turtle. La raison de la pizza en tête d'article, c'est parce que, Colin, il y a un club pizza du mois. Non. OK, oui. Donc, la personne qui va recevoir ça, elle va devoir faire cuire quand même la pizza elle-même. C'est pas de la oui. pizza livrée, même si non. c'est livré. On s'entend que c'est livré, mais c'est pas livré. Hein? Chaque pizza est fabriquée par un chef à Chicago et c'est livré congelé dans un contenant réutilisable, un cooler. Les membres peuvent s'attendre à recevoir une pizza style Chicago de 9 pouces une fois par mois pendant 3 mois. Hmm. Ensuite, les tutus. Pardon? Les tutus du mois. Incroyable. OK. Pourquoi avoir juste un tutu quand tu peux en avoir 12? Ben hein? oui, rien de moins. C'est tutus cousus à la main. Tutus cousus. C'est un exercice de diction. Pour ressembler à une petite ballerine, vous allez avoir donc un tutu par mois. Sinon, vous pouvez payer pour 10 tutus pour en avoir 12. Et la livraison aux États-Unis est gratuite. C'est sur Etsy. Ça, c'est probablement plus facile à livrer au Canada, d'ailleurs, avec Etsy. Probablement, ouais. Ensuite, de la soupe. Pendant 3 mois, la personne de votre choix peut recevoir une variété de soupes, que ce soit le menu parisien, Toscani, qu'on dit, en Italie, mm-hmm. Cajun ou Americana. Chaque mois, vous allez recevoir donc 6 soupes gourmets, 6 baguettes de pain et 6 biscuits à faire vous-même à la maison. Ah, ils vont plus loin que nécessaire, tu sais. Ben, c'est sûr. Et vous pouvez aussi tu peux sauter un mois des fois dans ces abonnements-là. Si des fois tu veux sauter un mois et passer à l'autre, parce que des fois c'est par thématique, des fois tu peux ne pas aimer la saveur d'un mois. Mm-hmm. Ensuite, de la sauce piquante. Okay. Ceux qui aiment la sauce piquante, qui aiment ça épicé, donc c'est un club où on peut recevoir ça en bouteille de 10 onces par mois pendant 3 mois. Ensuite, un journal intime. Bizarre quand même, donc ça va être un journal envoyé à chaque membre personnalisé à chaque mois, donc on va choisir le vendeur va choisir une couverture de livre vintage qui a rapport avec les goûts de lecture du membre et ça va créer un journal intime juste pour eux. De la marinade. Oui. Les chefs et les foodies adorent la marinade. Pour essayer ça dans vos créations alimentaires, culinaires à la maison, une bouteille de marinade par mois pendant 6 mois. De l'huile d'olive. C'est pas toutes les huiles d'olive qui sont égales, non, apparemment. Vrai. Et on vous vend une bouteille d'huile d'olive de qualité extrême chaque mois pendant 3 mois. C'est des experts qui choisissent tout ça. Mmh. C'est fait sur une petite ferme en Italie. Yum. Ensuite, de la saucisse. C'est beaucoup de choses à manger. Hein. Oui, vraiment. Mathieu, je pense que t'avais faim. Ouais. De la mortadelle au pepperoni, les possibilités sont infinies avec les saucisses. Fortuna's Sausage Company va aider les foodies à donc manger un mois de salami par mois pendant 3 mois. Ensuite, des jelly beans. Un sac d'une demi-livre de jelly beans. Envoyez ça à la personne que vous voulez avec David's Signature Beyond Gourmet Jelly Beans. Ils promettent de livrer seulement les meilleures fèves en gelée. C'est de la cuisine exotique, bonbons luxueux. Ensuite, celui-là, ça m'intéresse pas mal, les Kringles. En fait, c'est une pâtisserie scandinave. Ouais. Le Kringle. Vous allez recevoir 3, 6 ou 12 mois de glorieuses pâtisseries circulaires, dépendant de comment vous sentez généreux envers vous-même ou quelqu'un d'autre. Donc, c'est un dessert en forme de beigne. Ça vient dans une variété de saveurs, dont bleuet, amande et fromage à la crème. Du riz sauvage. Par mois, commandez du riz sauvage à chaque mois. Hein? Mm-hmm. Donc, 12 livres de riz sauvage fancy envoyé chez vous. Du riz importé qui vient donc dans un pot de vitre de 48 onces pour garder vos grains bien frais. Ensuite, des minéraux. Des minéraux qu'on peut recevoir à chaque mois pour les géologues. Géologues, oui, qu'on dit. Ouais. Donc, chaque mois, vous allez avoir un spécimen d'un endroit différent. D'autres avantages, ça pourrait être l'inscription à la lettre d'information du club, l'accès à une bibliothèque d'information pour membres seulement, ça parle de minéraux, et des rabais sur d'autres achats de minéraux sur leur site. Il faut vraiment être vraiment nerd. Ensuite, des bas. Ça, par contre, je dois le dire. Ça, par contre, ouais. Ça m'intéresse pas mal. Surtout pour avoir des bols fun, drôles, divertissants, originaux. Je dois t'avouer que... C'est tentant. Là, je le salue. J'ai acheté ça à mon père à Noël l'année dernière. Plein de bas. Bonne idée. Mais, tu sais, de très beaux bas. Là. Et de bonne grandeur. Et de bonne grandeur. Pas des et de trous qualité. Tout le temps. c'est le fun à offrir des beaux bas. Ouais, tu sais, c'est con, là, quand on était plus jeune, on n'aimait pas ça recevoir des bas de nos grands-parents, par exemple. Ouais. Mais pour vrai, de nos jours, quand on est rendu vieux, là, on aime ça. Pas job, pas mal. C'est, ouais. Bref, pour c'est les la sagesse. C'est la sagesse qui commence à pousser avec les cheveux gris. C'est ça. Pour ceux qui aiment les bas originaux, donc chaque mois, pendant 6 mois, c'est un abonnement qui va vous gâter avec une nouvelle paire de bas. Elles sont faites pour fonctionner avec la plupart des pieds d'hommes, mais idéalement, c'est fait pour n'importe qui aurait des souliers entre 10 et 13 masculins. Mais sinon, pour vrai, n'importe qui peut porter des bas, c'est des bas. Hein? On s'entend. Exactement. Ensuite, Pixies, des petites fées. Ah boy. C'est la boutique Etsy Sugar Cookie Dolls qui crée de petites créatures en papier. Donc, okay, vous allez pouvoir ramasser 12 de ces figurines inspirées par les fées avec un club mensuel. Donc, peut-être que tu n'as pas besoin d'une fée par mois, mais bon, tu peux le faire si tu veux. Wow. Ensuite, des masques d'animaux. Ça, mais voyons, cool, c'est donc des choses bizarres. Mais c'est le fun, ça, par contre. Pour l'Halloween, pour vrai, ils sont beaux, ces masques. Oui, mais c'est... pour l'Halloween, pas 12 mois par année. Pas 12 mois par année. En fait, ils disent entre 1 et 6 mois par année pour ça. Donc, si vous voulez en accumuler avant l'Halloween, c'est des masques en genre de feutre. Mm-hmm. Donc, c'est parfait, on dit, pour les enfants, mais parce que c'est des plus petits masques qui vont pas nécessairement fitter sur la plupart des adultes. Mais bref, au début du mois, pendant 6 mois ou un, entre 6 mois et 1 an. Non, pour 6 mois ou 1 an, c'est les deux seules options. Ah, OK. Vous allez recevoir donc un masque animalier en feutre choisi au hasard, ça c'est triste. Et ça vient avec un élastique, bien sûr, pour le mettre sur votre visage. Et pour terminer, un autre club du mois, club mensuel, c'est le Mermaid of the Month Club. Donc la personne va recevoir un panier rempli de trucs qui ont rapport avec les sirènes, dont des accessoires, des bijoux et des jouets. Oh. Tous les liens sont sur assemblagerequis.com. Évidemment, ils ne sont pas tous nécessairement possibles à livrer au Canada. Mais encore une fois, il y a plein de sites pour vous faire livrer des produits américains, même au Canada. Donc ne vous en faites pas. Sauf pour la bouffe, comme on a dit. Voilà pour cette liste assemblagerequis.com, note de l'émission numéro 1134, si vous voulez les liens. Dans quelques instants, c'est au tour de Tania de nous divertir avec sa chronique Tania is gonna entertain ya, première de deux parties. Ça s'en vient. Moi, plus tard, je vais vous faire les instructions d'assemblage. Donc un bon 1h30 de contenu. On est rendu à la moitié de l'émission. On prend une pause et on revient à Assemblage Requis. Restez là. Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. C'est fou! 89. Vous êtes à Assemblage Requis avec Tania Baudin et Mathieu Plante. Dans quelques instants, je devrais commencer à parler d'un sujet en particulier. Je vous laisse le suspense de savoir lequel va arriver en premier. Mais d'abord, Mathieu, on va écouter un petit peu de musique. Ah, pourquoi pas? Allons entendre une pièce d'un groupe, j'imagine, local. À moins que ce soit appelé Nicolet juste pour le fun. Je sais pas, hein? Et qu'il soit italien, hein? Voici le groupe Nicolet et la mystification. Assemblage Requis. Sur C'est fou. 89 heures. Je suis en train de vérifier ce qu'on peut ramener des douanes en voyage, mais j'ai pas genre ce que tu peux faire livrer. Je cherche ça. Je vous trouve ça pendant la chanson. Je veux avoir de l'eau. c'était Nicolet avec la mystification à Assemblage Requis. Comme je disais tantôt dans la chronique sur Foutu Palmarès, j'ai parlé de bouffe qu'on pouvait importer un petit peu. J'ai essayé de faire mes recherches, donc je suis pas un expert en douane. Mais une petite liste disponible sur le site d'inspection.sgc.ca nous parle donc d'une liste de produits alimentaires, animaux et végétaux fréquemment importés, ainsi que les lignes directrices liées à leur importation des États-Unis. Ça dit que comme la situation relative aux ravageurs et aux maladies évolue constamment, les exigences peuvent être modifiées en tout temps. Ça dit donc que le gras animal ou suif peut être importé jusqu'à 20 kg par personne, donc j'imagine que c'est la même chose lors de la livraison. Les produits de boulangerie, bonbons, etc., mais aucun produit contenant de la viande. On peut amener des produits laitiers, évidemment, là, si ça a à être frais sur une longue distance, ça pourrait être très bien ne pas marcher, dont la pizza, on va pas se faire livrer ça quand même. Ça dit que poissons et fruits de mer, on peut ramener ça. On peut ramener fruits et légumes, incluant les fines herbes, des carcasses de gibier, épices, café, thé et condiments. L'importation est complètement autorisée là-dessus. C'est pour ça que j'avais dit que je m'étais fait livrer du Canada, café des États-Unis au Canada il y a quelques années. Préparation pour nourrissons. Produits de viande et de volaille, comme les viandes séchées, saucisses, charcuteries, tantôt on a parlé de jerky, ça se fait. Viande et volaille fraîche, surgelée et réfrigérée. Il y a plein d'autres trucs comme ça, donc allez voir inspection.gc.ca. Ça s'appelle « Quels aliments, végétaux, animaux et produits connexes puis-je rapporter au Canada? » Donc via l'Agence des services frontaliers du Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Voilà, ma curiosité est assouvie un petit peu par rapport à ma chronique de tout à l'heure. Maintenant, à ton tour de faire une chronique, Tania. Oui. Nous divertir comme tu sais si bien le faire. Je vais essayer. Avec ta gorge en ce moment assez profonde. Oui. Voici Tania is gonna entertain ya. Oui, je voulais pas dire ça comme ouais, ça. Ouais, non, c'est ça. Enfin, oui, je voulais dire ça. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna dance. Oh, Tania Beautin. Réflexologie. Oui, tout à fait. Et au réflexo. Je vais essayer de pas trop crier ça, ne vous inquiétez pas. Je vais commencer en fait par l'aspect plutôt médecine douce, parce qu'évidemment, la réflexologie, ça fait partie de ça. Mais je me suis dit, pourquoi pas vous présenter les deux ce matin pour essayer un petit peu de démystifier la chose. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, bien, la médecine douce, ça a fait son entrée sur le marché il y a vraiment longtemps de ça. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que la médecine douce, bien, ça peut être aussi appelé... par exemple, la médecine alternative ou la médecine parallèle. Ça, c'est l'homéopathie, non? Aussi, c'est l'homéopathie fait partie de ça. Donc, c'est la médecine qui n'utilise pas des médicaments ou des molécules chimiques pour soigner les patients. Là, je sens que peut-être que Justine Renaud va être fâchée après moi, je sais pas. Parce que la science, ça fonctionne. Exactement. Il y a des preuves derrière ça. Tout à fait. Donc, il existe un très grand nombre de médecines douces qui, justement, s'appuient chacune sur une philosophie qui est quand même assez particulière, et les médecines manuelles telles que, comme tu le disais tout à l'heure, l'ostéopathie, la chiropraxie, l'éthiopathie, bien, ce sont des médecines douces qui abordent le corps dans sa globalité. Donc, la médecine traditionnelle chinoise, par exemple avec l'acupuncture, bien, ça joue beaucoup sur la médecine douce parce qu'on parle surtout des racines de l'être humain, on parle surtout des cinq éléments pour justement traiter nos patients. L'hypnose, la kinésiologie, ce sont aussi d'autres médecines douces qui ont leur propre conception de la maladie et des soins. Et là, évidemment, il y a plusieurs débats qui sont un petit peu partout, que ce soit sur Internet ou que ce soit dans la pensée des gens, à savoir justement si c'est pas juste l'effet... du gris-gris. Oui, exactement. Si c'est pas juste psychologique, si on se pose la question à savoir si ça fonctionne vraiment, eh bien, comme on le dit tout à l'heure, il y a plusieurs sortes de médecine douce, comme on faisait allusion à l'homéopathie. On fait aussi allusion à la phytothérapie, qui est la santé par les plantes. On parle de l'aromathérapie aussi, l'ostéopathie, les principes de la médecine chinoise. Il existe vraiment beaucoup de sphères à la médecine douce, mais ça part du fait qu'on peut se soigner un petit peu soi-même. Et si vous vous rappelez, la semaine dernière, bien, j'ai parlé un petit peu du self-care.

On dirait une rappeuse. Wouh wouh! Wouh wouh! Raise the roof, what? C'était parfait. Parfait. Au retour de la pause, ce sera les instructions d'assemblage. Restez là. Assemblage aujourd'hui. Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage pour toi aujourd'hui. C'est l'heure d'assemblage de qui en ce mardi matin, 3 octobre 2017. Talia Baudin est là. Et Mathieu Blanc aussi est là. Oui, qu'on a du plaisir. Ah, oh, tout à fait. Seul toi et moi ce matin. À une des journées où on n'a pas beaucoup de gens, mais pour vrai, cette année, il y a des 3-4 chroniqueurs par jour. Là, ça finit plus. C'est fou. Tellement de gens et des nouveaux s'en viennent. Encore. On a déjà eu plusieurs nouveaux depuis le début de la saison. On a des nouvelles pour vous. Oh, ça va être le fun, mais on annoncera ça à un autre moment donné. Parce que pour l'instant, c'est le moment de se dire comment vivre. Se faire des leçons, être moralisateur un peu. C'est barre. Voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Y'a qu'à écouter la chronique, les instructions d'assemblage, où on se donne des conseils de vie et on commence un petit peu avec un bloc, mini-bloc thématique, là, vraiment pas trop long, sur les enfants, un petit peu. On veut pas vous dire comment être parent, mais on vous donne des petits conseils qui pourraient vous aider. C'est bien le fun, comme ça pourrait même vous servir en tant qu'adulte de préparer les habits de vos enfants, leurs costumes, la semaine précédente. Précédente, dans des cases avec des lettres avec les jours de la semaine, par exemple. Ça pourrait être des tiroirs. C'est une bonne idée. Quand même, donc pour se dépêcher le matin quand t'as pas envie de choisir tes vêtements, un peu comme on fait du meal prep la fin de semaine pour vos dîners de la semaine, pourquoi ne pas préparer vos vêtements non seulement le soir d'avant, mais la fin de semaine d'avant. Selon Better Homes and Gardens, ils ont créé donc des tablettes avec les jours de la semaine imprimés dessus. Bon, ça pourrait aider... mais pas besoin de le faire en même temps si vous avez 5 jours dans la semaine, c'est pas bien compliqué hein? Donc avant que la semaine commence, on vérifie la météo pour la semaine et on choisit les habits à l'avance. Pourquoi pas? Dans le même genre, pour rendre la routine d'après l'école, tu sais, il y a plein de tâches à accomplir le soir, eh ben, vous pouvez vous créer une petite horloge avec des pointes de tarte. C'est ce qu'on montre pour les gens qui viennent animer, assez fou, à la radio. On fait des pointes de tarte. Bon, l'intro de l'émission, en conclusion, d'un bout à l'autre, puis après ça, tu as la pause dans le milieu. Puis bon, fait que tu y vas avec des cases comme ça, comme une tarte. C'est un peu le même principe. Donc, si vous avez de la difficulté à faire votre routine par les enfants le soir, vous pourriez avoir une horloge. Avec des couleurs, par exemple, pour différentes tâches, que ce soit, je sais pas, prendre son bain, ça pourrait être jouer, faire les devoirs, souper. Belle déduction, oui. Et aller se coucher. Tout le monde doit le faire. Tout ça en pointe de tarte et les enfants savent que le rouge veut dire qu'on s'en va se coucher. Exactement. Ensuite... on va sur Internet un petit peu avec ton Google Chrome, ton furteur web. T'aimerais ça peut-être être motivé à utiliser plus Internet ou peut-être moins, je sais pas, dépendant des gens. Bref, la stabilité de Google Chrome est bien intéressante. Ça utilise quand même beaucoup de RAM quand tu as beaucoup d'onglets ouverts et il y a des outils pour empêcher la mémoire d'être toute bouffée. Par exemple, tu pourrais changer la maintenance de tes onglets en un mini-jeu qui ressemble à Tamagotchi. OK. Donc, ça s'appelle Breeders Tabagotchi. C'est un excellent jeu de mots avec tab comme un onglet et Tamagotchi. On aime ça. Donc, c'est un clone des animaux virtuels et ça promet de vider votre RAM dans votre Google Chrome. Donc, une fois que l'extension Chrome est installée, chaque fois qu'on ouvre un nouvel onglet, on va être accueilli par un animal virtuel. Mais t'as pas besoin de le nourrir, en fait. T'as pas besoin de... En fait, il faut que tu t'occupes de lui. Donc, en gardant le nombre d'onglets au minimum. Ah, OK. Chaque nouvel onglet que tu vas ouvrir va faire que Tamagotchi va perdre 4 points sur son santé-mètre, si on veut, son health meter, ce qui va le fâcher. Il va l'amener plus près de la mort avec chaque onglet que tu ouvres de plus. Ah. Hein? Donc, si t'es du genre à accumuler des onglets, ça pourrait être une façon de calmer ta dépendance si, évidemment, tu veux garder ton animal de compagnie en vie. Hein? Bien vrai. Bien vrai. Ensuite, on va chez Microsoft avec Workspace. C'est une application qui amène des informations utiles pour les utilisateurs de Mac. C'est un projet expérimental de leur division de projet expérimental. C'est un utilitaire barre d'outils pour les utilisateurs de Office 365 qui permet d'accéder à vos fichiers OneDrive, à faire des appels vidéo et à voir vos prochains rendez-vous. Donc, la nouvelle application Workspace vit dans la barre d'outils du Mac et offre des raccourcis vers le reste de vos applications 365. Juste en cliquant dessus, vous allez... Dessus, oui, pas dessous. Si vous cliquez dessous, vous allez juste sélectionner votre fond d'écran. Ça n'a pas grand-chose. Ouais, ouais. Non. Donc, vous allez pouvoir voir votre horaire, vous allez pouvoir voir vos plus récents documents. Ça va vous permettre de piner, donc de mettre en haut des fichiers qui sont plus importants si vous voulez y accéder plus tard. Vous pouvez faire des appels Skype, vidéoconférence. Donc, Workspace, c'est la première application Mac de la division Garage de chez Microsoft. Donc, c'est un groupe de produits expérimentaux. Et ils sortent des trucs assez intéressants, mais des fois, ça finit par faire soit un flop et ils finissent par le fermer. Ou bien sinon, ça va durer longtemps, mais sans vraiment avoir de mise à jour. Par exemple, il y a Workflow, le clavier Microsoft pour iOS, qui a été discontinué, alors que pourtant, c'était quand même vraiment bien. Il faut pas trop s'attacher à ces petites bêtes-là. Non, en effet. Faut faire attention. On change complètement de domaine en parlant de vacances. Une vacance relaxante devrait durer au moins 8 jours. Ah ouais? Combien de temps tu prends de vacances d'habitude quand tu prends des vacances? 4 jours. C'est une bonne question. Quand t'en prends? C'est ça, j'ai pas pris de vacances depuis un très long moment. Mais je dirais que ça joue aux alentours de... Sans compter la fin de semaine, parce qu'évidemment, la fin de semaine, on est déjà en théorie, en congé. Ouais. Mais ces temps-ci, pas du tout. Alors, je dirais 4 à 5. Ouais, 4 à... c'est pas mal le standard, je pense, chez la plupart des gens. Et c'est mieux que rien. Si vous pouvez prendre une petite vacance comme ça, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais on dit que pour avoir une vraie vacance relaxante, ça devrait durer plus de 8 jours au moins. Donc, les chercheurs nous disent qu'on a besoin de ce temps-là pour vraiment se calmer et se sentir rafraîchi au retour. C'est une recherche publiée dans The Journal of Happiness Studies. Donc, le journal, les études sur le bonheur qui nous suggère que le sentiment et l'impression de bonheur et de bien-être personnel va rapidement augmenter quand tu vas prendre une pause aussi longue. Ta relaxation et les vibes positives que tu vas vivre vont être à leur sommet lors du 8e jour de tes vacances, ce qui va maximiser votre impression d'être, d'avoir fait ça pour la bonne cause, donc d'avoir, d'en avoir profité assez. Après ça, ça va lentement descendre jusqu'au jour 11 où tu as la chance de frapper un mur, probablement parce que tu vas t'ennuyer d'être chez toi ou t'ennuyer d'être au travail, oui, peut-être. Alors, pourquoi le 8e jour? Ben, on dit que c'est le temps que ça prend pour que quelqu'un de moyen oublie les choses et laisse aller leurs responsabilités et leur stress. Malheureusement, l'étude nous apprend aussi que la durée n'a pas un énorme effet sur votre bonheur après que les vacances soient terminées. Donc, que vous soyez parti pendant 8 jours ou pas, les effets vont probablement partir directement le premier jour de votre retour au travail. Donc, vous allez vous sentir rafraîchi au 8e jour et vous allez revenir le lendemain et vous allez être exactement comme vous étiez avant vos vacances. Vous allez revenir à la réalité quand vous allez réaliser que le mode vacances est terminé, disent-ils. Ensuite, on revient un petit peu aux enfants de tantôt. Ouais. Hein, pour varier. D'accord. Se faire dire bonne fête par des personnages de Pokémon ou de Barbie. Ah, rien de moins. Avec Happy... Non, c'est Birthdays on Demand sur Netflix. OK. Si vos enfants aiment Barbie, je sais pas, My Little Pony, Pokémon, des émissions populaires sur Netflix, allumez Netflix lors de leur anniversaire. Et regardez-les triper ben raide parce que Netflix a lancé Birthdays on Demand, une série de vidéos de 15 minutes mettant en vedette donc des bonnes fêtes de la part des personnages préférés de vos enfants. Les vidéos ne sont pas personnalisées avec les noms des enfants, mais quand même, vous pouvez choisir de plein de propriétés sur Netflix, dont celle que j'ai mentionnée tantôt et plein d'autres que je ne connais pas. Mais j'imagine qu'ils sont très connus. Oui. Vous allez juste à chercher le nom Birthday, sinon Birthday on Demand ou Birthday Song sur Netflix. Et vous pouvez aller voir des extraits. Ça me tente pas tant de jouer ce matin. J'allais le faire, mais... Non. Non. On peut mesurer, dans la cuisine maintenant, les extraits de vanille. D'ailleurs, Tania. Oui? Est-ce que tu savais qu'on a un extrait de vanille? J'ai déjà fait ce gag-là plus tôt aujourd'hui. C'est terrible. Il faut l'arrêter dans ce genre de cas. Là. Quel gag mauvais. Alors, on peut mesurer donc l'extrait de vanille en utilisant le capuchon de la bouteille. Okay. Ça a l'air simple dit de même, là, mais le bouchon de la bouteille, ça a de quoi là-dedans? Ouais. Autre que juste fermer la bouteille, hein, quand même. On nous dit ici que vous pouvez aller prendre votre bouchon de vanille et on apprend que le bouchon d'essence ou d'extrait de vanille contient en fait une cuillerée à thé. Et c'est super simple. Mm-hmm. Et essayez-le, ça fonctionne pour vrai. En fait, ça ne fonctionne pas avec toutes les bouteilles. Par contre, il y a un extrait, par exemple, de menthe poivrée qui avait trop un petit capuchon. Mais pour les marques communes qu'on utilise pour la vanille, par exemple McCormick, c'est exactement une cuillerée à thé. Cool, OK. Hein? Quand même. Hein? Ensuite, on parle de travail un petit peu. Si tu te sens stressé, fatigué, on pourrait dire que ne pas aller au travail, ça pourrait être une chose qu'on ne devrait pas faire. Mais selon un neuroscientifique, ça pourrait finir par vous rendre plus productif à long terme de ne pas aller au travail. C'est le docteur Terrence Swart qui explique à Fast Company que prendre un petit peu de congé du travail, c'est bon pour votre cerveau. Je le savais. Tu le savais, hein? Ouais. Pour être productif, on dit qu'on a besoin de sang partout dans le cerveau. Donc, il doit y avoir le sang qui se rend un petit peu partout dans le cerveau. Sinon, tu n'auras pas assez de glucose et d'oxygène livré à ton cerveau, ce que tu as besoin pour penser et pour garder le focus. Quand tu es trop stressé au travail ou que tu as l'impression d'être traité injustement, ton cerveau va amener le sang, va lui faire quitter les centres principaux du cerveau et va aller en mode qu'on appelle le mode survie. Et dans cet état-là, tu peux travailler, tu vas être capable de travailler et survivre, mais ta productivité va en souffrir et tu vas avoir moins envie de travailler avec les autres. Oh, d'accord. Donc, selon Swart, sans avoir le bon cours du sang là, comme ça dans tes centres importants du cerveau, tu vas perdre ta capacité à gérer tes émotions, à changer de tâche facilement ou de façon efficace, résoudre des problèmes complexes rapidement et tu vas penser de façon moins créative. Donc, on explique ça dans l'article. On suggère de prendre un petit congé quand tu te sens stressé ou que tu as des problèmes interpersonnels au bureau. Tu pourrais appeler et dire que tu es malade même si tu ne l'es pas. En fait, prendre une journée comme on appelle de santé mentale, tu vas revenir plus productif, plus créatif et tu vas te sentir en meilleure compagnie avec tes collègues de travail. Donc voilà, une petite journée de congé comparée aux 8 jours de tantôt. Hein, y a comme deux extrêmes là-dedans. Ensuite, quoi faire si tu détestes ta nouvelle coupe de cheveux? Hey boy. Tu aimes ta coupe de cheveux, même si ton toupette t'énerve des fois? Oui, exactement. En fait, c'est parce que je me lève beaucoup trop tôt pour pouvoir prendre le temps de le placer comme il faut. Ah, les problèmes qu'on peut avoir dans la vie. Hein? Bref, on connaît tous quelqu'un qui a déjà vécu une histoire d'horreur avec une coiffeuse. Est-ce que t'as déjà vécu une histoire atroce là, que tu t'es dit « Call plus jamais » Mon bal de finissant. Ah, raconte-nous ton bal de finissant. J'aime ça, des petites anecdotes de même. La fille m'avait teint les cheveux. Oui. C'était vraiment très, très blond. Oui. Puis, elle m'avait aussi frisé les cheveux, considérant le fait que ça allait tomber au cours de la soirée. Ouais. Mais il y avait tellement mis de spray net que c'est jamais tombé et que j'avais vraiment l'air d'un chihuahua. Là. Et t'as des photos de ça quelque part, non? Non, je les ai tous détruits. Ah, quand même, moi, t'as... Je ne voulais pas garder ça. OK? Mais ouais, c'est... Sinon, j'ai pas tant d'histoires d'horreur avec une coiffeuse. Parce que tu prends tout le temps la même coiffeuse que... Elle te connaît, j'imagine? Je change à certaines reprises. Ah, t'es pas fidèle. Mais maintenant, oui. Je l'étais plus ou moins quand j'étais à Montréal. Mm-hmm. Mais c'est difficile parce que j'arrive avec des choses pas très spécifiques non plus. Je suis souvent du genre, carte blanche. C'est ça, fais-moi pas un coq sur la tête, c'est sûr. Je fais tout le temps ça, moi aussi. Genre, vas-y avec ce que tu feels. C'est ça. Mm-hmm. Mais ben, on dit que c'est pas la meilleure des idées. La meilleure des idées, c'est en fait d'arriver avec une photo. Ça aide beaucoup. Un des plus grands défis, selon Chelsea Long, qui est spécialiste en cosmétologie. Oui. J'imagine. Au Cinta Avila Institute, nous dit qu'un des plus grands défis, c'est quand la personne arrive et dit fais ce que tu veux. Hein? Il faut avoir des attentes, nous dit-on, en amenant une photo. Bref. Lorsqu'on choisit une photo à amener ou deux photos, on recommande de garder plusieurs choses en tête, d'être réaliste. Pour commencer, les photos qui sont photoshopées ou des photos professionnelles, ça va être difficile à copier sur vos vrais cheveux. Si vous avez une vedette ou un ami, quelque chose comme ça, vous pouvez prendre des selfies sur leurs réseaux sociaux pour pouvoir partager ça avec la coiffeuse parce que c'est plus réaliste. On devrait dire ce qu'on aime dans la photo. Donc, par exemple, que ce soit la couleur, la longueur, la coupe en tant que telle. Il faut être spécifique avec son coiffeur ou sa coiffeuse. coiffeuse. Et on devrait mentionner aussi ce qu'on n'aime pas dans une photo. En même temps, moi, je dirais, trouve la photo où tout est parfait dedans. Mm-hmm. T'as pas besoin d'arriver avec une photo puis dire, ah, mais j'aime pas la couleur, j'aime la coupe. Ouais. Ça peut être compliqué pour rien. Et amener plusieurs angles aussi, si vous pouvez. Donc, si sur les réseaux sociaux, ils ont plusieurs fois la même photo, mais prise de côté différent, vous pourriez aussi essayer donc d'amener différents angles à votre coupe. Donc, de derrière, du côté. Et parce qu'évidemment, on demande une coupe en regardant d'en avant, ça ne dit pas qu'est-ce qu'il y a en arrière. Non, non, c'est, quoi, c'est sûr. Là? Hein? Peut-être une toque. Oh, pas. Peut-être. C'est pas. Ensuite, on a une colline qui sont donc pas classées dans l'ordre, ces articles-là, ça n'a pas de sens. On retourne au voyage avec une application qui va vous aider à trouver votre prochaine destination. Ça s'appelle Hopper, application pour donc surveiller des deals en voyage. Et on essaie de prédire, en fait, dans l'application où vous voulez aller. Leur nouvelle fonctionnalité Flex, soit Flex Watch, c'est un peu comme un agent de voyage numérique qui fait des recommandations personnalisées pour vous économiser de l'argent en même temps. Donc, ça utilise un algorithme de recommandation géré par intelligence artificielle. C'est capable de vous créer une vacance, des vacances, comme vous voulez, même si vous n'avez pas de destination ou de date spécifique en tête. C'est une combinaison donc de deals basés sur vos préférences et votre flexibilité pour les dates de voyage. Vous devriez économiser quand même pas mal d'argent, disent-ils, là-dessus. Dépendant bien sûr de votre flexibilité, on a dit qu'il fallait choisir 8 jours pour être son meilleur. Si t'es général et que tu dis je vais aller n'importe où ou encore sur un continent précis, ben, plus tu vas précis, plus ça va être précis. Oui, c'est ça, exactement. Ça va être personnalisé quand même. Tu peux donc regarder les suggestions et compléter ça de la façon que tu le veux. Voilà, il y a plein de... En fait, on dit qu'il y a 10 à 15 milliards de vols. Ouais, de vols par jour, hein? Mm-hmm. De prix de vol par jour. Ah, OK. De prix de vol par jour, voilà. Et ça va vous dire lesquels sont les meilleurs pour votre budget. Et ça va apprendre, évidemment, parce que c'est de l'intelligence artificielle. Disponible sur iOS, c'est Hopper, H-O-P-P-E-R. Ensuite, on reste sur le téléphone cellulaire et on va prendre des photos, des belles petites photos de portraits, là, de selfies, hein, en utilisant une boîte de Big Mac. OK. Wow, hein? Si tu cherches donc une lumière cheap pour tes portraits de téléphone cellulaire et que tu veux pas t'acheter un iPhone 8 Plus avec le mode portrait là, qui va te faire du flou en arrière de toi, tu veux y aller plus cheap que ça, ben le photographe Philippe Écharroux, hein, mm-hmm. s'est fait mettre au défi, je veux dire ça comme ça, par un ami, de trouver une façon d'éclairer ses photos, mais avec vraiment très peu d'argent. Et donc, il a trouvé une super boîte de Big Mac et on peut voir la vidéo comment il le fait sur assemblagerequis.com. Donc, pour commencer, première étape, et c'est ma préférée dans l'article de lifehacker.com, première étape, manger le Big Mac. OK. Hein, quand même. Après ça, t'enlèves la laitue et les taches de sauce. Tout à fait. Quand même. Tu fais une petite fente en bas pour pouvoir mettre une petite lampe de poche à l'intérieur. Tu utilises une paille, sûrement la paille qui vient avec ton verre, pour réussir à tenir la boîte de Big Mac ouverte pour que la lumière puisse rebondir sur le dessus et le dessous de la boîte. Et après ça, ben, votre visage ou le visage de la personne que vous prenez en photo va être parfaitement bien éclairé. Ça va adoucir le tout. Ça va être vraiment beau. Donc, allez voir la vidéo pour plus d'informations et voir l'angle utilisé sur assemblagerequis.com. Ensuite, on revient sur Google Chrome. Imagine s'il a été placé juste après l'article de Google Chrome. Parfait. Donc, il y a deux types de personnes dans le monde. Tania, tu me diras de quel type tu es. Il y a le type super organisé et il y a les autres dans leurs onglets sur Internet. Avec 27 onglets ouverts en même temps. Non. Tu fais le ménage? Ouais. Ouais, cool. On est du même bord. J'aime pas ça quand il y a trop d'onglets sur mon Internet. Ça bug déjà en partant. Déjà, sur les ordinateurs du studio, on peut pas le faire. C'est ça, exactement. Donc, je préfère ne pas faire ça. Exactement. Donc, il y en a qui vont ouvrir plusieurs onglets pour avoir des articles à lire plus tard, alors que d'autres vont utiliser des applications comme Instapaper ou Pocket pour garder leurs articles à lire plus tard dans une application pour pas rendre leur furteur absolument déplaisant à regarder. Mais bref... On dit qu'on aimerait pouvoir fermer un onglet, c'est forcer un onglet à fermer sans faire planter le Chrome au complet. Mm-hmm. Hein? Donc, c'est ce qu'on essaie de faire ici. Donc, quitter juste une seule page qui ne répond pas et qui cause des problèmes. C'est Make Use Of qui nous parle de ce truc-là. Donc, vous allez trouver quel onglet est gelé. S'assurer que ce soit pas juste une page qui se charge lentement, mais bien une page en train de geler. Vous allez ouvrir le gestionnaire de tâches de Google Chrome. C'est dans le petit menu avec trois petits points dans le côté là, en haut à droite de votre fenêtre. Pour voir les processus, que ce soit les onglets ou les extensions que Chrome fait fonctionner à ce moment-là. Et tu vas cliquer sur l'onglet que tu veux tuer et tu vas ensuite cliquer sur terminer le processus. Et voilà, ça va fonctionner d'un coup sec. Oh. Pour fermer un seul onglet à la fois, ça pourrait toujours être utile. Ensuite de ça, un chat, des fois, ça veut pas entrer dans sa cage. Mais non, en effet. Surtout quand c'est pour aller chez le vétérinaire. Il sait, on dirait. Mais là, c'est sûr. Il comprend où il s'en va. T'sais. Clairement. Donc, réussissez à mettre votre chat dans sa cage en l'enveloppant dans un burrito de chat. Hein? Ah oui, votre chat est plus intelligent que vous le pensez. Et on va essayer de l'amener dans la cage en l'enroulant dans une couverture pour éviter le stress. Peut-être en fait le stresser dans le burrito, mais au moins, ça va moins vous faire mal avec ses griffes. Mm-hmm. Hein? Donc, le kitty burrito, tout ce qu'on va faire, c'est restreindre le mouvement des pattes de votre chat pour vous protéger, vous, de ses ongles et pour l'empêcher de se prendre après les côtés de la cage. Ce qui fait des fois que c'est difficile de mettre un chat dans une cage, c'est parce que quand ils ont de la force pas mal dans ces pattes-là. Bref, on va l'envelopper un petit peu comme un bébé. Hein? C'est selon, encore une fois, c'est Lifehacker. Il nous parle de la technique du Thunder Shirt pour un chien et du bébé pour un chat. C'est ça? Oui, exactement. Donc, pour le chat, tout ce qu'on va faire, c'est de mettre la serviette sur une surface plane, que ce soit un divan ou une table, ça pourrait être plus facile que le plancher. Ensuite, vous mettez la cage tout près, verticalement, donc avec l'ouverture vers le haut, là, l'ouverture du devant vers le haut. Vous pouvez y aller dans un coin, par exemple, du divan pour faire tenir la cage sur le côté. Ça pourrait être une très bonne idée. Ensuite, vous allez chercher votre chat, évidemment, avec... ça peut être avec des petites friandises, de la nourriture, peu importe. Ensuite, vous mettez votre chat sur la serviette avec le visage près du haut de la cage. Ensuite, vous allez envelopper votre chat dans la serviette en s'assurant donc de vraiment bien remplir le burrito en mettant la serviette, en fait, à l'intérieur de ses pattes dans l'arrière. Ah, d'accord. Ouais. Ensuite, vous mettez le burrito au complet dans la cage du chat. Et une fois que vous allez fermer ça, votre chat va avoir assez de place pour s'orienter correctement. Vous pouvez laisser la serviette dans la cage, mais vous n'êtes pas obligé. Sinon, vous pouvez la retirer avant de fermer la porte. Et si votre chat aime ça, vous pouvez lui offrir une petite friandise comme récompense à l'intérieur de la cage. Vraiment cool. C'est aussi parfait, cette technique-là, de la couverture, pour empêcher votre chat de vous griffer pendant que vous coupez ses ongles. Ah, ça, c'est une bonne idée. Pendant que vous lui donnez ses médicaments. Ou dans mon cas, et je l'ai fait avant même de voir l'article, pour la raser. OK. Parce que ses fesses commençaient à être pas mal remplies de nœuds. J'ai un chat perçant. Et puis, mettons, ça fait des nœuds assez rapidement. J'avais pas de rasoir et son salon de toilettage a fermé. Ah. Fait que j'ai réussi avec beaucoup, beaucoup de nœuds et avec beaucoup de couverture à la raser. Ça a été super difficile, mais c'est fait c'est maintenant. C'est sûr que ça a été tough. C'est fait, ça fonctionne. C'est la meilleure façon que j'ai trouvée jusqu'à maintenant, une couverture pour toutes les raisons. Ensuite de ça, on va à la cuisine. On va garder ses restants et ses repas préfabriqués d'épicerie dans la porte du congélateur pour se rappeler de les manger. Ah! Des repas congelés qu'on a fait à l'avance, qu'on a acheté, peu importe, des contenants, peu importe, là, ça peut être du chili, vraiment, ça dérange pas, peu importe ce que c'est. Des fois, ils vont se perdre dans le congélateur entre d'autres affaires. Là où vous mettez vos restants et ces trucs-là avec portions pour célibataires, c'est très important. Il faut les garder, on dit de les garder dans la porte du congélateur ou dans le tiroir du haut de votre congélateur si vous avez ceux qui sont à l'horizon. En dessous, mm-hmm. Je pense qu'on peut dire ça. Ouais. Bref, pour que ce soit facile à voir et facile à prendre quand on a besoin, tu peux aussi les étiqueter quand tu les mets dans le congélateur avec des instructions sur comment les faire cuire, par exemple. Et tu vas finir par économiser du temps et de l'argent à la place de gaspiller parce que c'est perdu dans le fond du congélateur et de devoir les jeter, c'est pas cool. Et un dernier. Pourquoi est-ce que vous ne devriez pas laisser votre chien vous lécher le visage? Oh boy! Hein? Ça a été pas pire juste après les chats, ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est vrai. Je vais me critiquer moi-même tout le long de l'émission. C'est un mythe commun que la bouche du chien est en fait plus propre que celle d'un humain, mais en fait, ce n'est qu'un mythe. C'est un mythe. Finalement, la bouche typique d'un chien et sa langue s'est remplie de bactéries. Le New York Times a récemment voulu répondre à cette question de la propreté de la bouche d'un chien. Et comme on peut s'y attendre si on y pense un petit peu, la bouche d'un chien a le potentiel d'avoir un paquet de bactéries et de virus. Ça peut même inclure la salmonelle et le colis, selon Dr. Lenny K. Kaplan. C'est un peu redondant de s'appeler KK. Ouais, quand même. Hein? Bref, en plus de tous les microbes qu'ils ont réussi à attraper en mettant leur nez à des endroits bizarres ou intéressants pour eux, hein? les parasites communs peuvent venir de ces selles. bien okay. sûr, sauf qu'il capte. Le chien peut aimer explorer avec son nez et peut-être même sniffer les fesses de d'autres chiens. Bref, c'est horrible, tout ça, absolument horrible. La bonne nouvelle, par contre, c'est que quelqu'un qui a un bon système immunitaire, donc un humain avec un bon système immunitaire, n'a pas besoin de s'en faire tant que ça. C'est que la salive de votre chien, en fait, ben, c'est ça, il est rempli de microbes, mais c'est pas mal improbable que vous allez tomber malade à cause de ça. Ah oui? Il faut juste s'assurer que votre animal de compagnie soit bien piqué, bien vacciné, et que vous laviez les mains régulièrement, et peut-être le visage, si vous êtes pour vous faire licher la face. Ouais, c'est vrai. Bref, c'est ça. Rapprochez-vous moins un petit peu de votre chien. Bonne idée. Voilà. Très allez bonne voir idée. L'entrevue dans le Times, si ça vous intéresse, comme un assez long article, qui est sur assemblagerequis.com, dans les notes de l'émission numéro 1134. Voilà pour les instructions d'assemblage. Badaboum badabing. Badaboum badabing. On écoute, j'allais oublier que j'avais une chanson à mettre là, une chanson très amusante, Fun Forgot de Teenager. Oui. Et après ça, il nous reste ta chronique, Tania. Tout à fait. Oh, une deuxième chronique de Tania is gonna entertain ya dans quelques instants. De Teenager dans Assemblage Reiki ce matin. Toujours avec Tania Baudin et Mathieu Plante. Au retour, c'est encore à moi. Hey, pour vrai? Oui, je te le dis. Cool. Assemblage Reiki. Okay, oui. Assemblage Reiki pour toi, aujourd'hui. Vous êtes assez fous. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Reiki pour toi, aujourd'hui. Toujours à Assemblage Reiki, alors cette dernière demi-heure du mardi 3 octobre 2017 pour nous, c'est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Mm-hmm. Et avant de continuer avec Tania Esgolentourinia, c'est le moment d'aller parler avec Mathieu Plante pour savoir ce qui s'en vient au palmarès cifou. Merci Mathieu, aujourd'hui à l'émission ce sera la portion mishmash. On entendra donc ce qui reste des positions 20 à 11. On aura aussi la crème musicale de 2002 dans C'était fou. Et on dira au revoir en pièces qui nous ont quittés dans Palmer's in Peace. Les Palmer's c'est fou, c'est aujourd'hui et du lundi au jeudi de midi à 13h. Et vous, c'est ce qui s'en vient au Palmer's c'est fou. Bien dit Mathieu, bien dit, bien dit. Maintenant c'est au tour de Tania, avec Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école. Et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna do it. Cette fois-ci, on parle d'inspiration. On se motive un peu en allant sur Instagram et Facebook. Exactement. En fait, vous allez voir, c'est de l'inspiration et de la motivation vraiment pour un peu n'importe quoi. Je ne veux pas dire n'importe quoi comme ça, sans être nécessairement pensé. Mais je viens de parler de médecine douce, je viens de parler de réflexologie. La semaine dernière, j'ai parlé de self-care. Je parle aussi quand même assez souvent un petit peu de santé. Tu fais aussi shaker tes maracas, c'était des bracelets qui font ça. Exactement. C'est cœur, hein, l'effet sonore c'est hot, hein? Mais je vais commencer en fait avec un site internet. Donc, ni Facebook, ni Instagram. C'est vraiment un site internet. Ça s'appelle avril.ca. Qu'est-ce que c'est? C'est basé en fait à Granby. Sachez-le, le siège social est du côté de Granby. Il y a aussi les magasins qui sont du côté de Brossard, Lévis, Longueuil, Magog, Québec et Sherbrooke. Mais, si on va sur avril.ca, c'est une épicerie en ligne. Oh, wow! C'est une épicerie en ligne, en fait, santé. Donc, c'est un super marché santé. Et si vous allez, par exemple, dans la catégorie épicerie en ligne, bien, vous avez toutes les catégories. Donc, vous allez avoir, par exemple, les promotions qui sont en cours, les bols qui vont être nourrissants, les accessoires de cuisine. Vous allez avoir tout ce qui est jus, boisson, farine, mélange, blablabla. Vous comprenez le principe, là, c'est comme une épicerie, mais en ligne. Oui. Mais vous avez aussi les catégories suppléments et vitamines. Vous avez aussi les catégories soins et beauté. Vous avez, par exemple, la librairie en ligne. Donc, tout ce genre de catégories sont, en fait, sur Internet pour être un petit peu plus facile à se procurer. Donc, c'est génial. J'adore ça. Si vous allez du côté de Facebook, eh bien, une des motivations slash inspiration qui me parle depuis quand même un bon moment, eh bien, c'est le Facebook de Body Book. Et ça va bientôt devenir The Longevity Book. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est exactement, eh bien, c'est un petit peu le Facebook professionnel slash santé slash bio slash inspiration de Cameron Diaz. Donc, pour ceux qui connaissent très bien Cameron Diaz, c'est bien évidemment une actrice hollywoodienne que la plupart des gens connaissent, mais on l'a connue de plus en plus avec son livre The Body Book où elle s'est vraiment livrée à tout le monde un petit peu et on voit justement sa façon d'être un petit peu plus heureuse. Donc, si vous cherchez à être un petit peu plus santé, si vous cherchez à être un petit peu plus positif dans la vie, si vous cherchez à avoir un guide essentiel justement dans le bonheur, dans la santé, dans la nourriture, eh bien, le Facebook de Body Book qui est justement, comme je le disais, administré par Cameron Diaz. En tout cas, moi, c'est un de mes coups de cœur présentement et je me retrouve souvent à être sur cette page Facebook-là et on y retrouve plusieurs articles qui ne seront pas nécessairement tous écrits par elle. Donc, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on va souvent avoir des collaborations, on va souvent avoir aussi des liens vers d'autres sites Internet. Donc, pour ce côté-là, moi, la page Facebook de Cameron Diaz, de Body Book, ça me parle beaucoup. Mm-hmm. Sinon, c'est le compte Instagram d'une compagnie qui est montréalaise que j'ai découvert il y a quelques temps qui s'appelle Cocooning Love. Ah, j'aime ça. Et qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est aussi un petit peu un style de boutique en ligne. C'est possible pour vous de pouvoir vous procurer les produits sur Internet, sur Instagram en partant, mais ça a été créé et fabriqué à Montréal. C'est 100% naturel, c'est non testé sur les animaux, c'est doux et ça s'appelle Cocooning Love. Donc, chaque ingrédient va être choisi avec le plus grand soin pour avoir la meilleure qualité possible et ensuite qui va être fabriqué à la main avec amour en petite quantité pour justement préserver leur fraîcheur. Donc, c'est des ingrédients qui sont purs, qui sont naturels et on fait de plus en plus attention à ce qu'on mange. Donc, pourquoi pas faire la même chose un petit peu au quotidien, mais avec notre peau. Donc, ce sont tous des produits pour la peau. Donc, on peut retrouver, par exemple, bouche et lèvres, visage. On peut retrouver aussi cheveux et corps. Et ça se retrouve à être une boutique en ligne sur Instagram. Et vous avez aussi, bien évidemment, le site Internet. Mais si vous allez faire une visite assez rapide sur leur compte Instagram, eh bien, vous allez avoir plusieurs inspirations, plusieurs motivations qui vont être justement sur le bien-être. Par la suite, une autre application, bien c'est pas vraiment une application, mais c'est plutôt un compte Instagram, c'est How to Food Prep. Ça le dit, je pense que ça peut pas être vraiment plus clair. Donc c'est comment préparer son alimentation. Et vous allez avoir des photos qui expliquent comment par exemple préparer un bon déjeuner. Par la suite, comment préparer une collation, un dîner. La plupart du temps, les gens, tu sais. Que ce qu'on disait quand on était jeune, là, ça te prend deux collations dans la journée. Ce qu'on faisait au primaire, on n'a plus nécessairement tendance à le faire lorsqu'on est rendu adulte. Et pourtant, c'est un petit peu la base de l'alimentation et d'une alimentation saine. C'est d'avoir vraiment, pas d'être strict avec soi-même, mais d'avoir une routine. Donc, de déjeuner, d'avoir une collation entre le déjeuner et le dîner. Pas une Snickers. Exactement. D'avoir par la suite un dîner, d'avoir une collation entre le dîner et le souper, mais aussi d'avoir une collation en soirée. Ah? Parce que d'avant d'aller se coucher, on veut pas se ramasser l'estomac vide. Et on oublie souvent que ça va être assez primordial d'avoir ça pour avoir une bonne digestion, pour avoir une bonne santé, pour bien se sentir tout simplement avec soi-même. Mais pas juste avant de se coucher, la collation. Non, soirée, pas juste. Oui, c'est ça, exactement. 5 minutes avant. Et How to Food Prep, bien, ça vous donne une panoplie de recettes de ce que vous pouvez faire côté beaucoup plus santé, côté beaucoup plus enjoyable. Oui, c'est ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas nécessairement avoir juste du verre, vous n'allez pas nécessairement avoir juste de la salade. Ouais. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment... Faut pas que ce soit plate, sinon tu le feras pas. C'est ça. Il faut pas que ça soit plate, sinon ça va être plate, comme c'est tu ça. Le dis. Et ça sera pas le fun à déguster, ça sera pas le fun à manger, ça sera pas le fun non plus à préparer. Et How to Food Prep, eh bien, c'est justement la base de comment tout préparer nos repas pour la semaine. Avec variété. Et c'est vraiment un compte Instagram qui est le fun à suivre. Donc, si jamais ça vous intéresse, bien, je vous le propose. Voilà. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Ça va être sur les notes de l'émission, bien sûr. Donc, Tania, it's gonna entertain ya. T'auras plein d'autres suggestions pour toi une autre fois, j'en suis certain. On va s'écouter une petite pièce musicale avant de recevoir une invitée. Enfin, on va parler de théâtre sonore en extérieur. Mais avant ça, on s'écoute une pièce de mise en scène, étant donné que, tu sais, théâtre sonore. Ah oui. Mise en scène avec Closer tout de suite. À Sondage Rookie sur C'est fou. 89.fm. Anything, no. mise en scène avec la pièce Closer, assemblage requis sur C'est fou. Maintenant, on a quelque chose de spécial pour vous. En fait, c'est une invitée qu'on reçoit en studio, Lorraine Beaulieu. Bonjour. Bonjour à vous. Ça fait, on s'est déjà vu en vrai, oui. Mais pas à la radio. Ouais. Hein. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Pas dans le studio. Un plaisir de vous recevoir. Donc, on parle ensemble de Radio Dehors, une photographie du monde. C'est un événement qui se passe aujourd'hui à partir de 15h30 à la galerie R3. C'est vraiment super intéressant. C'est avec Monsieur Jean-Paul Keinec, titulaire de la chaire de recherche en dramaturgie sonore. Donc, pour commencer, dramaturgie sonore, qu'est-ce que c'est? Bien, dramaturgie sonore, le nom, le titre le dit, en fait, c'est... Dramaturgie, ça fait référence au théâtre. Mm-hmm. Et c'est du théâtre sonore. Donc, au lieu d'avoir des acteurs qui vont réciter un texte, qui vont parler, qui vont échanger entre eux pour nous rendre une pièce de théâtre, bien, ça va être que des sons. On n'a pas d'acteurs, c'est que des sons qui ont été mis en scène et qui ont été collectés sur le terrain, okay, en dehors d'un laboratoire, et qui ont été montés pour faire des dramaturgies sonores. Quel type de son est-ce qu'on pourrait avoir là-dedans? Est-ce qu'ils sont promenés à entendre des trucs dans la rue? Est-ce que c'est des oiseaux? Exactement, oui, c'est ça. C'est soit des bruits dans la ville, qui ont été pris, mm-hmm, dans la ville. J'ai lu, grosso modo, parce que moi, je connais pas beaucoup leurs choses. Je trouve ça tellement original. Je suis contente de venir en parler, mais je vais en savoir plus après. Mais j'ai lu qu'un des artistes est allé en pleine nuit, en plein cœur d'une ville, je ne sais pas laquelle, et qu'il a échangé avec des itinérants et qui a collecté tous les sons qu'il, okay, a pu, qu'il a rencontré dans la ville à ce moment-là. Donc, dans il y a la des nuit. Voix, il peut y avoir des gens qui, oui, parlent. Il peut y avoir des voix. Il y a une autre, ce sont des sons plus de nature. On, mm-hmm, entend de l'eau, des oiseaux. Une autre, c'est un endroit qui est au Lac-Saint-Jean, c'est où on fait la visite d'un lieu historique au Lac-Saint-Jean, qui s'appelle, je me souviens plus comment, mais en tout cas, ce sont des enregistrements qui donnent une ambiance particulière, qui révèlent un lieu, mm-hmm, ou qui révèlent un moment de la journée. OK. Donc ça, c'est très, très auditif. Il n'y a rien de visuel dans ce qu'on va voir ou... Non, il n'y a absolument rien de visuel. D'ailleurs, à la galerie, on est préparé pour ça. On s'est préparé en faisant déménager des matelas de sol. Oh, okay. Et donc, les gens vont être invités à s'asseoir par terre, à s'étendre sur les matelas pour vraiment faire porter leur attention sur le son, seulement sur le son. Donc, c'est ça qui est original dans le thème de dramaturgie. Et une galerie d'art, qui n'a pas d'art visuel dedans, c'est quand même spécial. C'est rare. Oui, là, c'est de l'art sonore. Mais c'est ça. On est vraiment dans des frontières entre le théâtre et le son. Et c'est pour ça qu'à la galerie, ça faisait quand même un écho avec la recherche en art qu'on y présente. Absolument. Donc, on a parlé de M. Keinec. Il y a 36 artistes différents, de différents pays, en fait, que j'imagine que c'est lui qui les a contactés, qui leur a demandé de participer à ça. Donc, d'où viennent ces artistes-là? Bien, il y a 36 artistes de Angleterre, Argentine, Bosnie, Burkina Faso, Canada, Colombie, Espagne, États-Unis, France et Mexique. Donc, ça va faire, j'imagine, des environnements sonores assez différents. Hétéroclites, c'est ça. Ça va être. J'ai très hâte d'entendre tout ça. Ouais. Ouais. Et j'entends dire qu'il y a quelque chose qui va avoir lieu à l'extérieur de la galerie d'art, oui, devant. Qu'est-ce que c'est, ça? Oui, c'est la chaire de recherche et c'est muni d'un laboratoire mobile qui est une camionnette qui est aménagé pour justement pour qu'ils puissent se déplacer pour aller chercher des sons dans différents, oui, environnements. Et donc, ils vont venir avec leur camionnette, mm-hmm, ici à la galerie. Ils vont s'installer sur la plateforme en face de la galerie. Et ça, cette camionnette-là s'ouvre avec des grandes portes et les gens sont invités à venir visiter puis à venir s'asseoir, mm-hmm, dans la camionnette pour échanger avec les gens qui sont là, avec M. Keinec, Jean-Paul Keinec, et ses collaborateurs qui vont être avec lui aussi. Mm-hmm. Et aussi, il va y avoir une tournée après ça. Donc aujourd'hui, mardi, à partir de 15h30 à la Galerie d'art R3, s'ils enregistrent des sons-là, est-ce que ça pourrait finir éventuellement le mercredi 4 octobre à Québec, le jeudi 5 octobre à Allemagne ou le jeudi 5 octobre à Saguenay? Peut-être. On ne sait pas. Peut-être pas aussi rapidement que ça. Non, mais je pense pas. Ils ne feront pas une collecte de sons ici. Ils nous présentent les résultats de ces collègues de son là qui ont fait. Mais c'est ça, on a la chance d'être dans leur itinéraire. Donc, ils ont commencé hier à Montréal, au Théâtre du Monde. Aujourd'hui, ils sont ici. Demain, ils sont à la Maison pour la danse à Québec. Jeudi, ils vont être à Alma, puis vendredi au Saguenay, au Centre d'expérimentation musicale. Mmh. Et tout ça, c'est des partenaires de l'événement. Donc, on peut aller voir sur radiodehors.dramaturgiesonore.com au singulier. Et donc, je voyais que ça commençait à 14h, mardi entre 14h et 15h pour un point de presse avant. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai invité les journalistes, les gens des médias à venir rencontrer M. Kinnec pour qu'il explique lui-même sa démarche, sa recherche. Parce que M. Kinnec, lui, c'est un metteur en scène, d'abord, et qui fait du théâtre. Donc, mais dans cet axe de recherche-là, c'est assez original. Donc, les médias et les journalistes sont invités entre 14h et 15h. Ensuite, le public et les étudiants sont invités à partir de 15h30. Et jusqu'à 17h30, ça va être l'expérience sonore dont on va profiter. On se présente comme ça à la Guerrière 3. Oui, c'est ça. C'est gratuit. Mm-hmm. Tout le monde est bienvenu. Ça va nous faire plaisir de vous avoir pour vivre cette expérience-là sonore, originale. Absolument. Profitez-en sur le campus. C'est juste à côté. Là. Même pas besoin de se forcer. Non, c'est ça, exactement. C'est, allez étudier dans un petit boisé, puis après ça, allez voir ça, puis retourner étudier après. Les gens font ça, apparemment, étudier sans cesse. Hein. Je suis pas sûr que tu peux étudier pendant que tu écoutes les œuvres sonores sur un matelas, sur un plancher. Non, mais les arts, en fait, et là, c'est les arts sonores, c'est un moment aussi pour nourrir l'âme. Mm-hmm. Donc, quand on s'arrête juste pour observer ou pour écouter, que ce soit de la musique et tout ça, on apaise notre âme, puis ça aide ensuite à mieux étudier. Absolument. C'est tellement bien c'est dit. C'est tellement bien dit, hein? Et en plus, tout le monde autour de toi va entendre la même chose. Vous allez vivre l'expérience ensemble. Vous allez pouvoir en parler après. Mm-hmm. Exactement. Quelle bonne idée. Oui. Laurette Beaulieu, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. On rappelle que l'événement commence à 15h30. C'est la chaire de recherche du Canada qui présente Dramaturgie sonore au théâtre. Radio Dehors, une phonographie du monde. Plus d'informations sur radiodehors.dramaturgiesonore.com et Galerie d'art R3. On vous invite à les suivre. Il y a une page Facebook pour la Galerie d'art? Oui, Galerie R3. Galerie R3. Hein? Cherche pas plus loin que ça. Cherche pas plus loin. Facebook, Galerie R3. C'est directement en rentrant sur le campus. Et voilà, c'est la belle petite boîte là, blanche avec des couleurs. Là. Oui, c'est ça. C'est vraiment adorable. Donc, tu repasses quand tu veux, Lorraine Beaulieu, pour parler de tout ce qui se passe à la Galerie d'art R3. Merci encore. Et nous, on va terminer l'émission là-dessus. Tania, le temps file, Absolument. Donc, on remercie tout le monde d'avoir participé à l'émission aujourd'hui. Nos auditeurs, nos chroniqueurs. Aujourd'hui, on a eu Justine Renaud avec sa chronique Justine Pertine. C'est pas mal ça. Marc-Olivier n'est pas venu, mais il va être de retour la semaine prochaine avec sa chronique oui. Sport et Filoché. Merci à toi, Tania Baudelaire. Merci à toi, Mathieu Blanc. Sur nos ondes plus tard aujourd'hui, qu'on a donc une autre belle journée. Et pour vous, Colin, à midi, on va être de retour, toi et moi, pour. En fait, c'est juste moi. Non, c'est juste toi aujourd'hui. J'oublie à chaque semaine que t'es pas là le mardi. Exactement. Midi à 13h pour les palmarès Sifou. Ensuite, rediffusion de Rock de Neurone à 13h. La nouvelle émission C'est dans ta face commence à 15h. Une autre nouvelle émission, Les Pas Sortables, avec la musique émergente à partir de 16h. Puis en soirée, du métal et de l'horreur avec réanimation. Donc, 19h à 21h avec le docteur Penn Ryan. On se dit à demain, 7h. Oui, bon café surtout. Oui, bon N'oubliez café. N'oubliez pas la tasse de café. Plusieurs cafés, c'est important. À demain. À demain.